Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On rencontrera des gens qui ont fait les choses répréhensibles dans l'après-crime et Marc-Olivier Dumas essaiera de me faire comprendre c'est quoi le sport dans Sport et Filoché. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis en ce mercredi 25 avril 2018. On est à deux jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante et Tania Baudin. Aujourd'hui, à congé, encore une fois, pour le reste de la semaine, mais pour la remplacer, Colin, même pas une personne. Aujourd'hui, deux personnes. Vous le connaissez de sa collègue Sport et Filoché et précédemment des émissions Patriotes en action et Matière noire. Marc-Olivier Dumas est là. Bonsoir. Bonsoir. T'es en train d'imiter Sébastien Vigartin qui dit bonsoir le matin. Excusez, droit d'auteur, je vais l'appeler, je vais lui payer ses droits. C'est, ça. C'est le meilleur des compliments. Mais tu me donnes beaucoup de pression de faire comprendre le sport. Ouais, hein? On part de loin. C'est ça. Pas mal. Quelqu'un que tu connais bien, Marc-Olivier, celui qui fait des fois la chronique dans les coulisses de la Luître, lui aussi participe à Matière noire, fait plein d'autres trucs, de jeux vidéo, entre autres. Frédéric Simon est là. Allô? Allô, ça va? Oui, ça va bien, vous autres? Très bien. Oui. J'ai l'impression que vous vous connaissez déjà. Vaguement. Ça vaguement. Il manque Rock Généreux et Samuel Girard pour faire le TR Crew. Ouais. Des LAN Party, jeux vidéo et autres... marathon, événement, marathon, oui. Exactement. Donc vous êtes la moitié du TR Crew. Est-ce que vous avez un nom quand vous êtes juste deux? Le T-Crew? Manque le R. Ouais. Ouais, on enlève les rivières, c'est quoi? Le centre commercial est enlevé complètement. On rase les rivières. C'est half a TR Crew. Ouais. Half a TR Crew. Half a TR Crew. Mais vous êtes là pour un bon moment, en fait. Est-ce que vous êtes là pour l'émission complète? Oui. Moi, oui. Oui, ça va, Colin, que ça va être le party matin. Et aujourd'hui, comme on l'a fait tout le reste de la semaine avec d'autres co-animateurs invités, on vide l'arrière-boutique de mes liens parce que j'accumule tellement de choses à travers le temps qu'à un moment donné, j'ai fait un tri de ça pour essayer de trouver le meilleur du meilleur. Et aujourd'hui, on va vider la banque de la chronique Après le crime en toute fin d'émission. Et. Oui. Fait qu'aujourd'hui, c'est le best-of. Best-of. Of, oui, of. Pas off. Best of. Ok, parfait. Best of, je connaissais pas. Mais c'est dit de François Pérus. Ok, je comprends. Je suis seul à pas comprendre les gags de François Pérus dans la vie, hein. Tu manques de quoi, ben, en plus, amateur de jeux de mots que tu es? C'est ça, ben, oui, en effet. L'affaire, la raison, une des raisons, en fait, que j'écoute pas François Pérus, c'est qu'on a un peu une... J'essaie pas de dire que je suis aussi bon, puis. Mais on a une pensée parallèle. Tu sais, en humour, des fois, tu peux avoir deux personnes qui vont avoir le même genre d'humour, puis qui vont trouver les mêmes gags. Je trouve des gags, et on me dit, François Pérus l'a déjà fait, mais je l'ai jamais entendu. Fait que t'es jaloux? Une façon, ben, ouais, puis je veux pas non plus, comme, copier. Un peu comme, tu sais, toi, tu copies Sébastien Vigartin en disant bonsoir le matin. Je savais pas, donc c'est pas de la copie. Ben, c'est ça. Ben, tu vois, même chose. T'as fait exprès pour pas écouter Sébastien Vigartin de ta vie, pour pas savoir ça. Et moi, j'écoute pas François Pérus. On va parler de marketing en première heure d'émission avec le blog pub. Est-ce que ça vient plus tard dans nos chroniques, je dirais, pas maison, donc chroniques d'invités? Ben, c'est toi, Marc-Olivier Dumas, qui va nous faire un petit pas effiloché tantôt. Mm-hmm. De quoi tu vas nous parler tout à l'heure? Hein? En fait, je vais vous parler de plusieurs sports. J'ai sorti une liste qui est quand même subjective, mais des 10 sports les plus durs à pratiquer. Oh. Et quand on parle dur, c'est pas nécessairement le sport le plus dur techniquement, mais le sport le plus dur dans l'ensemble. Okay. Donc on va en parler un petit peu plus tard. Peut-être glisser un mot aussi sur les e-sports. Est-ce que c'est vraiment un sport? Et quelques sports bizarres qui ont déjà fait partie des Olympiques. Oh my God! Ça m'excite pas mal, ça, ces affaires-là. Des sports originaux de même. J'aime ça. Puis bon débat avec le e-sports tantôt, on va pouvoir faire ça. Ben oui. Quelle excellente émission s'annonce devant nous, mais commençons avec une pièce de Chéri Chéri. Voici Hurler à la lune, assemblage requis. Sans pour le moins crédit. Adrenaline par Cherry Cherry. Les gars parlent de, j'imagine, un sport quelconque avec une ballon bon. Jeu vidéo. Jeu vidéo. Ah ouais, pour vrai, hockey, je pensais que c'était du hockey. C'est fini ça? Ben, on a parlé de hockey aussi. Ça existe encore le hockey. Oui. Ça a de l'air. Maintenant, on va parler de marketing ensemble. Voici le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Oh my god. I love you and I kiss you. 4,99$ la minute. Nostalgie. Ah, j'adore cette intro-là. Donc, le bloc pub, on va parler de marketing ensemble. Les gars, vous allez me dire si vous trouvez ça intéressant comme concept, ça vous donne envie d'acheter quelque chose, de participer à une cause. Et aujourd'hui, comme c'est la dernière fois qu'on va faire le bloc pub, je me suis pris des nouvelles qui datent d'il y a vraiment longtemps. J'ai classé ça en les meilleures selon moi. Donc, on va voir si c'est du bon stock. Commençons par une campagne pour Amnesty International au mois d'août 2015. 2015, comme dans genre, je fais pas beaucoup cette chronique-là, fait que j'accumule des efforts depuis longtemps. Qui emprisonnait votre curseur à l'intérieur d'une bannière publicitaire. Pas pire quand même. Et 11% des gens qui ont vu cette publicité-là ont signé la pétition du groupe. Donc c'était littéralement une bannière dans le milieu de votre écran qui venait emprisonner votre souris pour la garder là. Et ça disait qu'en Biélorussie, elle tirait en prison pour avoir fait, bon, je sais pas, avoir visité un site comme celui-là. Donc c'est l'agence polonaise de Digitals qui a créé cette petite bannière-là et ce pop-up-là pour demander aux gens du site web « Est-ce que vous voulez dissoudre le gouvernement? » Et quand tu passais ta souris sur la bannière, ben tu te faisais emprisonner parce que ça disait « T'irais en prison pour ça, pour avoir voulu dissoudre le gouvernement. » Tu comprends? La publicité a ensuite relâché le curseur et demandé aux gens de signer une pétition pour... Donc, aider la cause. Et vous pouvez aller voir la petite vidéo de démonstration de comment ça fonctionnait. Il y a des barres de prison qui apparaissaient par-dessus ta souris sur assemblagerequis.com. C'est une bonne idée. C'est un peu désagréable, par exemple. T'sais. Oui, tu te sens vraiment otage du site. Mais ouais, autant que tu te sentirais en otage en Biélorussie. Oui, je comprends. Il essaie de te mettre un peu dans l'ambiance. Mais quand tu navigues sur le web puis tu tombes là-dessus, ben des fois, ça te donne pas nécessairement envie de signer la pub. Quand tu te sens otage comme ça, t'es comme coincé, tu fais comme... Ben, regarde. Déjà que le web est désagréable à cause de ses pubs. Si en plus ta souris peut pas sortir de la pub. C'est pour ça que j'utilise un petit logiciel qui s'appelle Adblock. C'est pour ça qu'on fait tout ça, ou on devrait. Hein? Oui. Jusqu'à temps que les sites disent « Vous utilisez Adblock, veuillez le désactiver pour continuer. » Ça là, je peux-tu vivre, hein? Je peux-tu vivre ma vie? Puis tu sais, il y a des sites internet qui empêchent la diffusion du contenu si t'as Adblock. C'est ça. Puis il y a des sites qui permettent de faire, ben, je veux continuer quand même. Mais des sites comme RDS où ils présentent deux pubs de 30 secondes pour que tu ailles regarder une vidéo de 15 secondes, je trouve ça aberrant. Ah, c'est insultant. Totalement. Ouais. C'est ridicule. Je veux dire, je veux juste regarder 15 secondes. Là. Je veux regarder le jeu de baseball, par exemple. Ouais. Et tu me passes une minute de pub. Come on. Ouais. Mais j'aime ça, les Adblock, là, si vous essayez d'aller dans les paramètres, là, d'aller un petit peu plus loin que juste installer Adblock, vous pouvez sélectionner des publicités. Et une publicité, c'est pas obligé d'être une publicité. Ça peut être le pop-up qui te demande, genre, vous avez un bloqueur de publicité. Tu peux enlever ce rectangle-là. Tu peux enlever le petit panneau qui apparaît en transparence par-dessus ton article. Tu peux tout bloquer ça avec ton Adblock. Fais sélectionner un élément. Va cliquer sur ce petit rectangle-là et tout ce qui apparaît par-dessus. Puis dorénavant, t'auras plus jamais ça sur ce site-là. Wow. Fait, profitez-en. Okay, je vous ai tout dit, là. J'ai révélé tous mes secrets, là. C'est fait. Intéressant. Pas pire. Ensuite, celui-là, ça date de septembre 2015. Vraiment, vraiment une très, très bonne idée. C'est un poster de film qui prend une très mauvaise critique pour le film, mais qui l'a fait passer pour une bonne publicité. C'est un critique de film du Guardian, Benjamin Lee, qui a pas aimé le plus récent en ce moment-là, film de Tom Hardy, Legend. Il lui a donné 2 étoiles, mais on a vu ensuite sortir un poster officiel pour Legend qui mettait en vedette plusieurs critiques de films. Donc, si on peut... Tomber dans les jambes, ces affaires-là. studio, pas dans le désordre. Donc, le film est Legend, et il y a des codes de 4 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles. Mais à un moment donné, t'as les têtes des gens qui passent par-dessus. Fait que le milieu, les 2 étoiles, t'as l'impression que ça continue derrière. Mais non! C'est juste les 2 étoiles. C'est vraiment parfait. Impressionnant. Même le critique de film, qui était Benjamin Lee, qui a dit que la cascade qu'ils avaient faite était vraiment incroyable. Il a même tweeté l'image. C'est lui qui avait donné 2 étoiles au film, et il a dit « Wow, c'est du magnifique! » C'est parfait. Il y a aussi des critiques de films, des fois, qui vont être pris, genre, ils vont enlever des mots au début et à la fin. C'est genre, le film aurait pu être meilleur. Fait que là, t'enlèves le début, puis ça fait genre meilleur. Genre, quelque chose comme ça. Ça arrive, mais ça, je trouvais ça assez original. Ensuite, on a Brewer, une compagnie qui a remplacé les dents manquantes de ses athlètes en avril 2015 par des implants qui étaient aussi des ouvre-bouteilles. Ouf! T'sais, on parle d'une dent donc, que tu viens remplacer avec une vis. Et puis, eh ben, c'est ça, c'est aussi un ouvre-bouteille. Hilarant quand même, une vraie campagne de Ogilvy Argentina. C'est la bière Salta qui a créé ses implants de dents pour des joueurs de rugby qui ont perdu des dents. On s'entend, rugby, hein? C'est sûr. Ils boivent de la bière tout le temps. C'est sport avec un ballon, hein, des gars qui se foncent dedans, c'est ça? Oui, à peu près. Il n'y a pas de tapis, malgré tout. C'est comme le football, mais sans protection puis sans ponce avant. OK. On peut dire ça de même. Bon. Donc, vidéo qui vous montre en détail comment ça a été fait. C'est pas pour ceux qui ont de la misère avec les bruits de dentiste, parce que c'est pas mal explicite. En tout cas, t'as tout le temps ton opener à portée de la main. Ben oui, c'est toujours utile. Oui. Ben, portée de bouche, je devrais dire. Je suis pas sûr que les dentistes vont conseiller quand même de l'utiliser. Moi non plus. Pas sûr. Ça a le fait en acier, fait que c'est peut-être moins cassable, mais en même temps, c'est ta gencive qui va souffrir. Ouais, mais c'est ça. Ça met quand même la pression sur. Tu vois, le gars, il met sa bouteille dans sa bouche. J'ai mal juste à y penser. Parce qu'il y en a qui le font sans ça aussi. Oui, là. Oh, oui. C'est impressionnant, mais stupide. Aussi. C'est comme, je sais pas. Il y a plein de façons de faire. C'est quoi, avec un briquet aussi? Mmh. Avec deux bouteilles de bière. Ouais. Ça, j'ai déjà vu. Y a plein de façons. Non, j'aime pas ça. Ensuite, vas-y. J'allais dire, la pire façon, j'ai vu pas d'ouvrir une bouteille de bière, mais une bouteille de vin, c'était à la perceuse. OK, oui. J'ai un de mes amis qui avait pas de tire-bouchon, il a décidé qu'il ouvrait la bouteille de vin à la perceuse. Zidit pour rentrer, mais zidit pour sortir? Ouais. Ben, ça a détruit le bouchon. C'est trop puissant. Ah ouais, c'était assez drôle. On a assez ri, puis il y a eu du vin partout, c'est mur blanc. C'était pas chez moi, donc c'était drôle. Vous avez liché les murs? Non. C'est comme ceux qui ont essayé de mettre du vin dans leur saut de stream. En passant, je vais mettre des bulles dans mon vin. Ouais. Tous les murs sont rouges maintenant. C'est bien redécoré, là, c'est pas mal réussi. Ensuite, on a une marque de soins pour les pieds qui a créé le premier magazine qu'on lit avec ses pieds. Ça, c'était en mai 2015. Elle se place, donc, c'est une marque de pansements qui lançait une ligne de crème de désodorisant et d'anti-sudorifique nommée Foot Expert. Et pour promouvoir le produit, l'agence Being a créé Feet Mag, donc une publication luxueuse faite avec du papier vraiment plus épais, qui peut être facilement tourné par les pieds et d'assez gros caractères pour qu'on puisse le lire à distance parce que tes pieds sont à terre, mettons, tu sais. Mm-hmm. Faut que tu vois quand même de là. En utilisant vos orteils, vous tassez les pages. Je sais pas si on peut aller se licher l'orteil pour tourner facilement la page avec un livre. Mais bon. Le magazine était rempli de petites nouvelles, de reportages sur les pieds et sur l'art et la mode, avec des photos de femmes qui envoyaient un baiser avec leurs pieds ou qui jouaient aux cartes avec leurs pieds. Il y a même l'horoscope des pieds. Oh! Ouais. Tout ça pour attirer l'attention à un sujet qu'on. En tout cas, que je trouve qui est encore tabou un peu, les pieds. On veut pas parler de ça. L'horoscope, c'était quoi? Poisson. Vous allez avoir des champignons cette semaine. C'est exactement ça. Ouais. Bon, c'est quoi? C'est un peu se tirer dans le pied, c'est un peu bleu. Wow. Pied d'athlète, hein? C'est ça que je cherchais? Pied d'athlète. Ouais. Ensuite, TBWA Designs qui a créé un cadenas pour les vélos à partir de morceaux des cadenas brisés de ses compétiteurs. Ouh. Ah, c'est pas fou ça, hein? Ou 2015 dans ce cas-ci, pour présenter les nouveaux Victory Bicycle Lock de AXC. TBWA Deboco se sont aventurés dans les rues d'Amsterdam pour chercher les cadenas brisés de d'autres compagnies qui étaient sur le bord de la rue, tu sais, quand un vélo est volé. Ils ont utilisé des morceaux de ça pour créer un poster et une campagne publicitaire sur des panneaux avec un vidéo making of, si vous voulez aller voir ça. Et les morceaux de métal formaient les lettres qui épelaient un message au sujet du Victory en disant que « The lock that should have been on your last bike ». Donc, c'était le cadenas qui devait être sur votre, qui aurait dû être sur votre précédent vélo. Fort. Tu voulais pas le lire dans la langue originale, Mathieu? J'ai fait les deux. Ouais, c'est ça. La langue originale, c'est genre en... ouais, c'est néerlandais, je pense, ou allemand. C'est ça, là. « It's lock that hope ever reach ». Vite, at Martin Zitten. Wow, je vais chercher, je vais aller chercher l'extrait de ça, le revirer à l'envers, puis ça va donner quelque chose qui a du sens. J'ai mangé une crème glacée pour déjeuner. J'ai été pris en otage par Mathieu Plante pour l'émission d'aujourd'hui. Ensuite, une marque pour enfants, Tommy Tippy. Tommy Tippy. qui a fabriqué des serviettes pour bébés à partir de livres de conseils pour les parents. C'est un peu pour rire des conseils qu'on donne aux parents. T'sais, c'est comme, bon, c'est-tu vraiment... est-ce que tous les enfants sont vraiment pareils? Est-ce que tu peux vraiment avoir un livre d'instructions pour élever ton enfant? C'est un peu le gars qui voulait faire avec ça. Donc, les nouveaux parents, habituellement, se tannent des conseils qu'on leur donne. Et la marque Tommy Tippy a rendu possible le fait de s'essuyer les fesses avec ces conseils-là. Peut-être pas à soi-même, mais à son enfant. Ben, quoi qu'il y a des serviettes pour enfants, c'est... très confortable. En gros, il s'entorche des conseils. C'est exactement ça. Ça s'appelle les Advice Wipes. Fabriqué à partir d'un mélange recyclé de livres pour parents, d'articles de magazines, d'articles de blogs imprimés et plus encore. C'est pas disponible pour le public ou rien. Mais c'était sur le hashtag ParentsOn qui donnait aux parents la confiance de laisser tomber les livres pour bébés et de faire confiance à leurs instincts pour élever leurs enfants, bien sûr. Pas pire, j'aime ça. Mm-hmm. Ensuite, continuons avec un artiste qui décore les égouts, les bouches d'égout, comme de petits appartements pour attirer un petit peu d'attention envers les sans-abri. Ça date d'avril 2016. C'est le projet qui pointe vers des vrais problèmes qui existent en Europe. Donc, on a pris, eux, les bouches d'égout sont un petit peu plus grosses. C'est des carrés, pas mal plus substantiels que nos bouches d'égout. Et en faisant suspendre un genre de cube à l'intérieur de ça, ça fait que ben, t'as un plancher, parce que sinon l'égout... C'est un peu profond pour faire un appartement, personne va le voir, hein? Mm-hmm. Tu veux pas non plus que les gens tombent dans l'égout? Ce que j'ai déjà failli faire à Trois-Rivières en passant. J'ai failli passer au TVA Nouvelles. Oh! Ils m'ont écrit est-ce que vous voulez faire une entrevue pour le TVA Nouvelles? ça va contre mes principes, fait que non. Mais oui, il y avait une bouche d'égout qui était juste ouverte à Trois-Rivières. Ah! C'est lourd, là, le truc, le petit cap, là. Mm-hmm. Oh, oui, vraiment. C'est une coupe. Pas juste une coupe de livres. Ouais, je pensais qu'elle a donné un chiffre. J'étais comme, ok, tu sors ça de où? Non, mais c'est assez pesant. Écoute, je vais faire des recherches. Ouais, fais des recherches. Bouche d'égout. De Trois-Rivières, c'est mais je suis pas sûr que ça me tenterait de vivre dans les égouts pareil. Tu sais, je veux dire, l'odeur doit rester présente. Exactement. Mais c'est quand même pas exactement la situation, là, parce qu'on a essayé de d'imaginer ça un petit peu. Je sais pas, je trouve que la photo ça ressemble à des toilettes. C'est vrai, t'as bien raison. C'est un artiste italien, Bianco Choc, qui a fabriqué ça à Milan. Milan. Comment? Milan. Il y avait Milan? Milan. C'est ça. Décorant donc une série de bouches d'égout en appartement. Il y en a un qui ressemble à une salle de bain, une douche, l'autre ressemble à une petite cuisine, l'autre à un corridor, même avec un chapeau suspendu sur le mur. Pareil comme un vrai appartement. Très, très cozy, mais aussi très... C'est inconfortable, c'est dans le district Lodi à Milan, où il y a plusieurs sans-abri, bien sûr, donc on essaie d'attirer un peu l'attention envers ça. Ça s'appelle Border Life, et puis c'était pour parler des sans-abri en Europe, particulièrement à Bucarest, où les gens vivent en fait dans les systèmes d'égouts. Ça, tu vois, je ne savais pas. Oh! Pas comme ça, parce que c'est pas aussi beau que ça. Hein. Non, mais quand même, là. C'est ça, un rat de compagnie, des trucs comme ça. Ensuite, on continue, c'est toujours le best-of, hein, c'est des trucs que moi je trouvais vraiment intéressants. En avril 2016, il y a une compagnie de savon à vaisselle qui disait qu'une seule goutte faisait bien le travail. Donc ils ont fait quoi? Une bouteille avec une seule goutte de son produit à l'intérieur, une cascade de TBWA. Donc c'est le liquide à vaisselle Pril. Hein, qui depuis des années dit qu'une seule goutte faisait le travail, peu importe, même si c'était vraiment graisseux, ben c'est ça, en 2008, l'article datait de 2016, mais c'est la campagne distribuée en 2008, distribuait ça, c'est par la compagnie allemande Henkel, qui est allée jusqu'à un laboratoire indépendant pour vérifier cette affirmation-là que seulement une goutte fonctionnait. Donc la nouvelle campagne, elle, de 2016, pour le marché du Moyen-Orient, la marque avait sorti une seule bouteille qu'on envoyait, j'imagine que c'était par la poste, en fait, c'est ce que je pense. Les publicités montrent comment c'est adorable d'avoir une petite bouteille-là comme ça, comparée à d'autres dans la cuisine qui seraient plus de grandeur normale. C'est des publicités de 10 secondes, donc on voit vraiment de très très près un chaudron, un poêlon, peu importe, et sur le bout de la poignée, tu vois la petite bouteille de Pril. La bouteille petite de même, il y a des chances que A, je la perde à quelque part, ou B, mon chat la mange. C'est ça, parce que les Tide Pods, tu sais, ça a fait fureur, les gens mangeaient ça. Imagine comment c'est encore plus facile de manger une petite bouteille d'une goutte de Pril. On dirait quasiment un Advil. C'est ça. Il aurait dû faire un partenariat, puis appeler ça un Advil. Parfait. Est-ce que tu as trouvé la bouche d'égout, Frédéric? J'en ai trouvé plusieurs modèles, mais pas ceux qu'on cherche. Mais Wikipédia dit plus de 50 kilos. Déjà, c'est quand même substantiel. C'est ça. On va au festival du film de Tribeca qui, qui voulait te faire jouer le rôle d'acteur parce que tu sais, tout le monde dit, bon, moi aussi je pourrais être acteur facile. Un peu comme tout le monde dit, moi aussi je pourrais chanter, fait qu'ils vont au karaoké. Mais quand tu dis, c'est donc bien facile d'être acteur, je pourrais le faire moi aussi, il faut que tu ailles à un karaoké pour l'acting. Ça s'appelle le reactor. Donc tu as une scène de film avec des sous-titres en dessous et tu dois faire la même scène. Comme la scène où c'était qui? Meg Ryan qui imitait des sensations sexuelles dans un restaurant dans When Harry Met Sally, c'est bien ça? Et puis le gars, je me rappelle plus c'est qui, c'est Richard Gere, peu importe, disait je vais prendre ce qu'elle prend, je vais prendre ce qu'elle a mangé pour pouvoir faire la même chose. Donc c'est une scène très très connue du cinéma américain. Donc le New York City Tribeca Film Festival avait une campagne publicitaire pour les fanatiques de cinéma créée par J. Walter Thompson. Ça célébrait le 15e anniversaire de l'événement avec un mélange de composants numériques traditionnels et expérientiels, comme on appelle. La machine s'appelait Reactor, combinant la reconnaissance faciale et la reconnaissance vocale avec des sensors de mouvement. L'unité enregistrait les gens en train de jouer des scènes de films célèbres et envoyait aux participants des liens YouTube de leurs meilleures performances à partager avec leurs amis. Du karaoké, d'acting. Ça devrait devenir populaire, je trouve. C'est une mousse bonne. Ensuite, Burger King qui a installé un petit feu sur une autoroute et a surpris ceux qui arrêtaient pour aider. C'était pour les bons samaritains. Celle-là, c'est très récente. Ça date du mois de mars 2018. Donc, c'était la journée à ce moment-là du bon samaritain. Et à la place de passer, du temps à aider du monde à traverser la rue, hein, Burger King est allé encore plus loin avec une cascade où on a mis le feu à une voiture sur le bord de l'autoroute, et puis on offrait quelque chose de spécial à de bons samaritains qui arrêtaient pour aider. C'est un petit court-métrage filmé par David Miami sur une route de Vasquez Canyon en Californie qui dit en fait que les bons samaritains étaient tout à fait réels dans la vraie vie. Donc on va regarder cette petite minute-là. Donc il y a quelqu'un qui arrête, qui demande aux gens d'arrêter en faisant des petits symboles, des petits signaux. Et là, ça disait le Good Samaritan Whopper. Quelqu'un arrête. Le gars porte évidemment un chandail Burger King avec relish moutarde ketchup en couleur dessus. Et là, oh mon Dieu, Colin. Là, tout le monde est bien surpris. Et le roi de Burger King. Hey! Il fait griller les boulettes sur la voiture. Sur le moteur. Je pensais que ton char était en feu. Ben, il est, là, le barbecue marche. C'est ça, il est. Et voilà, on comprend le principe. Je vais prendre un cédar hier pour ma fille. Oui, les mille couronnes du roi de Burger King. Mais miam pour les burgers grillés comme ça à la flamme. Ensuite, continuons, je crois que la prochaine est aussi au sujet de Burger King. Tu me rappelles bien? Mais non, j'avais juste un petit commentaire à faire. Je pense que j'ai jamais mangé un burger grillé sur le moteur. Oh! Faudrait. Avant que ta vie se termine sur ta bucket list. Il doit être bien huilé, le burger. Possiblement, ouais. Ça, puis faire griller du bacon sur l'asphalte. Là. Comme à Salut Bonjour, je sais pas trop quel. En fait, c'est plus des œufs en plein été que tu pourrais faire cuire. J'avoue. Tu sais, tu ferais craquer l'œuf puis cuire sur l'asphalte. Ouais. Miam. Je suis assez du style classique poil, moi, je te dirais. C'est le poil. La ville de Trois-Rivières a un nom un petit peu classique, je dirais. Trois-Rivières, bon, tu peux vraiment rire de ça. Il y en a qui vont dire, bon, tu sais, la mort ici, ils vont dire mort ici. Il y a des jeux de mots à faire avec la région. Mais si tu habitais dans une ville qui s'appelle Tits, ah ben là, tu pourrais être un des endroits que Pornhub pourrait apprécier, cette nouvelle de mars dernier. Une campagne qui offrait un service gratuit sur Pornhub avec, pour les gens qui ont des noms de ville inhabituelle. Il y a un endroit qui s'appelle Dildo, il y a un endroit qui s'appelle Rectum, ou Rectum peut-être, et Coming. Hein, donc les résidents de ces villes-là se sentaient particulièrement chanceux. Je connais une ville qui s'appelle Fucking. Fucking, effectivement, c'est pas en Angleterre, quelque chose comme ça. En Allemagne. En Allemagne, voilà. Donc les gens qui habitent dans ces villes-là étaient très chanceux parce que Pornhub leur donnait un service gratuit, hein, le plus grand site web de divertissement pour adultes. Trouver une autre promotion de pornographie gratuite pour les villes avec des noms suggestifs. Immigration allemande. C'était pour compenser pour des années d'humiliation et de souffrance en silence pour ces gens qui vivent dans des endroits comme ça. Pauvres gens. Official Pornhub Premium Places était le nom de ces villes-là, donc leur titre qu'on leur a donné. Ça donnait accès aux résidents pour leur vie entière. C'est à la section membres en HD du service de streaming, ce qui veut dire aucune publicité pour interrompre ton plaisir. Section membres en HD. C'est ça. Ah, là, je suis jaloux de pas l'avoir dit, celle-là. Elle est très bonne. Ensuite, la curiosité, hein, on parle en fait d'une publicité qui a fait pousser de la moisissure sur des livres de marketing parce que ça dit que la connaissance vieillit vite. Les choses passent date rapidement. Donc, Biblio Ukraine, oui, a fait une cascade publicitaire dans l'industrie, en fait, parlant de publicité. C'était pour parler du Ideas Fest Ukrainian Marketing Forum. Biblio Ukraine a créé une publicité qui mettait en vedette une très grosse édition du livre Kotler on Marketing par un professeur de publicité américain, Philip Kotler. Le livre était rempli de millions de petites bactéries et puis on a mis ça en vedette et en laissant ça là-dedans, la moisissure a rapidement grandi et pris de l'ampleur. Ça a couvert le livre d'une grande mousse et de décoloration. Donc une façon de montrer que le marketing, ça passe date vite, j'imagine. Hein? Pas pire. On dit que c'est un défi d'avoir réussi à faire ça aussi rapidement en mettant autant de bactéries pour que ça prenne de l'ampleur plus rapidement que la normale. Dégoûtant. Et dans les crédits génériques de cette campagne publicitaire, il y a un microbiologiste. Donc, ils ont vraiment travaillé avec des gens qui connaissaient leur sujet. J'espère, quand même. C'est ça, exact. ensuite, tiens, ça, vous avez peut-être vu passer ça. C'est au début de ce mois-ci. On commence à se rapprocher dans le temps un petit peu. On parle de Google et leur publicité pour le Final Four. Ça, c'est au basketball. Qui essayait de prédire le résultat des matchs, parties, jeux, games. Est-ce que ça a fonctionné? On se le demande, on va regarder ça. Donc plusieurs compagnies qui aiment ça dire qu'ils ont des systèmes analytiques, d'algorithmes, peu importe. Et là, Google a fait ça la fin de semaine au début du mois d'avril avec des publicités qui ont passé pendant les match-ups du Final Four sur la chaîne TBS. Des publicités pour Google Cloud diffusées avant la partie Kansas-Villanova et Michigan-Loyola. Chicago, quelque chose. Il y a un deuxième ensemble de publicités diffusées pendant la mi-temps de chaque partie. Et les publicités étaient créées par une agence de San Francisco nommée Eleven. Ils n'ont pas réussi à prédire le score final, mais ils ont quand même, avec leurs données, réussi à donner quelque chose qui était semblable, si on veut. Donc, le nombre de rebounds et de tirs, j'imagine. Donc, ils ont fait les publicités en temps réel. Et vous pouvez aller les regarder sur assemblagerequis.com. On peut en regarder une ensemble. Donc la publicité dit les deux équipes, je sais même pas c'est quoi les termes de sport là, vont avoir un open man ce soir, ils vont se combler pour faire au moins 26 assists. On est à 75.1% certain de ça. Il y a plein d'animations qui se passent, des extraits de sport. Qui n'aime pas se faire aider, donc a helping hand, c'est un jeu de mots, hein? Il y a un petit crabe qui se tire dans un panier. Cette prédiction en temps réel a été fabriquée avec les données de la NBA, NCAA et avec le Google Cloud. Sachez ce que vos données savent. Google Cloud. Quand même efficace, c'est assez rapide. Et bon, le final, le résultat final, il y a eu 28 assists. Et il y avait combien? 26? 26. Pas pire. Donc, il était quand même très près. Là. Oui. Et ça, c'est par l'analyse de données des matchs de la... C'était NCAA, hein, c'était ça? Oui. C'est ça, bon. Ensuite, on suggère aux parents d'arrêter de mettre des photos de leurs enfants nus sur Instagram dans une nouvelle campagne de sécurité pour les enfants. Je sais. Les gens postent des photos de leurs enfants à la toilette, là, tu sais, pour la première fois, là, leur entraînement, la petite toilette, la potty training, avec le hashtag potty training. C'est la Child Rescue Coalition qui a, fait un takeover de ce hashtag-là pour dire aux gens de ne pas faire ça. C'est ça, c'est simplement ça. C'est le mois d'avril qui était le National Child Abuse Prevention Month et la Child Rescue Coalition, une OSBL qui travaille avec les agences policières et tout pour trouver, arrêter et poursuivre les prédateurs d'enfants. Avec l'aide de l'agence David and Goliath, voulait éduquer les parents, là ils disent dans l'article les idiot parents, qui surexposent un peu leurs enfants sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, la compagnie de marketing CRC et DNG ont travaillé pro bono là-dessus, donc ils ont travaillé sans se faire payer pour ce concept-là, parce qu'ils croyaient en la cause. C'est une petite vidéo de 60 secondes sur assemblagerequis.com, pas besoin vraiment de vous la montrer, celle-là. Mais quand même. Si vraiment tu veux garder des souvenirs de ça, trouve-toi un Polaroid, fais quelque chose. Pis, ben oui. Moi, déjà, il y a des parents qui créent des comptes Facebook pour leurs enfants. T'sais, ils ont 3-4 ans, ils sont même pas en âge d'aller sur Internet et ils ont un Facebook. Je suis comme... Mais voyons, là, je veux dire, laisse ton enfant grandir à l'extérieur de ça, puis quand il sera rendu là, il... Tu sais, c'est le fun en tant que tel comme concept de pouvoir, mettons, à leur 18 ans, leur donner un compte Facebook avec déjà plein de souvenirs dedans. C'est quand même pas si pire, mais de peut-être pas faire ça en public. Peut-être garder ça offline. Ben c'est ça, ce compte Facebook-là que j'ai vu avait plus de 400 amis Facebook. Ouais. Voyons donc, là. Non, mais ça, là, OK, ça, c'est une affaire. OK, je suis d'accord avec toi, j'aime pas ça. Mais en plus, il y a des gens dans ma famille, puis désolé si certains se sentent offusqués, c'est pas pour vous offusquer, là. Mais des gens morts, là, que tu leur fais un Facebook après leur mort, moi, ça me fait peur. Je trouve ça creepy de voir que mon grand-père, mort depuis genre, je sais pas combien de décennies, est actif en ligne en ce moment. Moi, je trouve ça creepy. creepy, je suis bien placé pour savoir qu'est-ce qui est creepy. Mais ça, j'ai jamais vu ça, je vais t'avouer. Tu sais, j'ai vu des pages Facebook post-mortem de personnes qui avaient un Facebook. Mais eux avaient déjà une page avant, puis ça a juste été transformé en page post-mortem. C'est ça. Mais j'ai jamais vu de personnes décédées avoir un Facebook. Mais on dirait que le monde ne comprenne pas encore comment ça fonctionne réellement, les réseaux sociaux. Crée-toi ton Facebook à toi, personnel. Ton compte conjoint, là, c'est non. Ouais. Tu sais, si tu vas avoir un compte conjoint, il y a les banques pour ça. Je suis vraiment d'accord avec toi aussi. Et non, mais pour vrai, en plus, que tu l'as dit, les pages post-mortem existent. Pour quelqu'un qui vient de mourir, mettons, la famille peut aller, bon, il y a une façon de faire, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais aller la transformer en page post-mortem. Donc, en fait, si vous êtes pour créer des pages pour des gens qui sont déjà morts, allez au moins activer le post-mortem, comme ça, ils apparaîtront pas en ligne. Au moins, parce que ça, c'est creepy. On sait. Sinon, ben, vous faites votre police de Facebook, vous faites signaler. Cette personne n'existe pas. Et voilà. C'est vrai. Il est mort. Bon. Eh oui. le compte d'un enfant de moins de 5 ans, ben, excuse-moi, là, mais ça n'a pas d'affaire, là. Ben, techniquement, je pense que c'est même c'est contre la politique de Facebook. C'est 13 ans, je crois. 13 ans, ouais. On parle maintenant de Spike Jonze. Vous connaissez le cinémato, là? Celui qui fait des films. Spike Jonze qui a transformé un moment que les gens n'avaient pas trop remarqué dans sa publicité pour Apple en une publicité pour sauver les chiens, avec un caméo par son propre chien Wolfpack. Donc, il y avait plusieurs personnages qui étaient remarquables dans cette petite vidéo qu'il avait filmée pour Apple, mais il y avait un caméo que vous n'avez peut-être pas remarqué parce que ça se passait à l'arrière-plan, et c'est devenu sa propre campagne publicitaire. Donc, on voit Jonze au début du behind the scenes pour Apple, en train de danser avec une chaise, et les gens ont remarqué à l'arrière-plan un chien qui apparaît dans un miroir. Son nom c'est Wolfpack, qui a été sauvé par Jonze il y a 2 ans. C'est une organisation OSBL, et la fondatrice de SSR, donc ça c'est le Sea Spot Rescue de Zarina Mack, est managing partner chez PS260, et Jonze a pris le caméo de son chien et a coupé une publicité de 20 secondes pour SSR avec le montage fait par PS260. Je vais pas vous montrer la publicité d'Apple parce que c'est un behind the scenes, puis c'est quand même assez long, mais on va pouvoir regarder quand même le petit, la petite publicité du chien. Donc on voyait Spike Jonze dans la publicité d'origine, réalisateur, bon c'est ce que c'est beau que je cherchais, et Wolfpack est dans le miroir caché derrière, chien de la SSR avec propriétaire talentueux, Spike Jonze. Et la danse termine et ça dit: soyez talentueux, adoptez un chien de SSR aujourd'hui. C'est cute parce que c'était pas prévu. En tout cas, il dit que c'est pas prévu. T'sais, mon côté cynique me dit que c'était préparé depuis le début, mais non, sûrement pas. Je partage ton côté cynique. Ouais, je sais pas si c'est l'âge ou c'est l'expérience qui font ça, mais ensuite, on parle de Xfinity et leur pre-roll. Vous connaissez les pre-rolls, c'est les publicités qu'on met à l'avant des vidéos. Tantôt, on en parlait avec RDS qui en met des fois 2 avant de pouvoir garder une vidéo de 15 secondes, des vidéos de 30 secondes. Bref, des fois, ça peut durer 6 secondes, les pre-rolls. Et Xfinity, ici, nous dit ce que la vidéo qui va suivre après le pre-roll va vous coûter en données. Xfinity, qui est un fournisseur de téléphones cellulaires, de télé, de plein d'autres choses, une compagnie de télécommunications. Donc, Xfinity Mobile te suggère de passer au Wi-Fi parce que sinon, la publicité, la vidéo qui va jouer après la publicité va coûter beaucoup. Par exemple, 1,31$ en frais d'Internet. C'est quand même pas pire. Ça s'appelle Data in Dollars. C'est un petit clip de 6 secondes qui fait la promotion du nouveau réseau Xfinity Mobile Network qui permet aux gens de se connecter à des hotspots Wi-Fi partout au pays pour éviter des charges comme celle-là. C'est Goodbye Silverstein and Partners qui ont créé cette campagne-là sur YouTube pour différentes catégories de vidéos. Et on voit entre autres une femme qui est en train de mettre du highliner et être dégoûtée par le fait qu'elle découvre que sa future vidéo de didacticiel tutoriel de maquillage allait lui coûter 1,57$ de bande passante. On comprend le principe. C'est surtout quand ton annonce te coûte 1$, tu fais comme oui. Ah ouais, j'avoue, ils disent pas la publicité de 6 secondes, elle a coûté combien? Mais tu sais, quand ils passent de quoi de même, de par tes données, ça l'utilise de ton Internet. C'est exactement ça. Souvent, tu sais, il y a plein de petits jeux gratuits sur le Play Store ou iOS, iTunes. Ouais. En tout cas, peu importe. Ouais. Moi, ce que je fais quand je joue à mes jeux gratuits, je ferme mon Internet complètement. Oui. Pas de pub. Le mode avion. Mode avion. C'est parfait ça, pas de pub, t'as raison. Ils sont pas capables d'aller chercher les pubs, fait qu'ils jouent pas. Ben non. C'est du génie ça. Du génie. Tu joues gratis? Hey! Ensuite, 84 sculptures d'hommes qui se mettent sur le bord d'une bâtisse, sur le toit d'une bâtisse. C'est pour, conscientiser par rapport au suicide. C'est une campagne anti-suicide au Royaume-Uni. Et on voit 84 sculptures d'hommes, comme je disais, qui sont exactement sur le bord du toit. C'est pour combattre le suicide chez les hommes. Une OSBL qui a mis 84 sculptures humanoïdes sur des gratte-ciels et d'autres bâtisses à Londres. C'est le même nombre d'hommes qui se sont enlevés la vie chaque semaine aux États-Unis en moyenne. Ça s'appelle Project 84. C'est écrit par The Campaign Against Living Miserably. Donc, ça fait l'acronyme CALM. J'adore ça quand on trouve l'acronyme en premier, clairement, et qu'on lui cherche les mots après. L'agence londonienne Adam and Eve DDB et le sculpteur américain Mark Jenkins, ils ont fait la sculpture en utilisant une technique pour laquelle Jenkins est célèbre, en utilisant du ruban adhésif. Et on a créé ça avec l'aide d'amis et de famille d'hommes qui se sont vraiment suicidés. Donc, c'est vraiment des sculptures qui représentent de vraies personnes, même si de très loin, on voit absolument pas leur face. Donc, des images qui pourraient vous hanter si vous allez voir la campagne sur assemblagerequis.com et la marque Harry's de rasoir et commanditaire de cet effort. Mais Mathieu, par rapport à ça, sur ton site préféré, TVA Nouvelle, j'ai vu passer sur Facebook, ça s'est passé à Détroit. Il y a quelqu'un qui était sur un viaduc d'autoroute qui pensait se jeter en bas. Mais la police a demandé à des camions poids lourds de se parquer sous le viaduc. Donc, ils se sont alignés donc, pour l'empêcher de sauter en bas. C'est fort, ça. Vraiment fort. Ah, wow. Ensuite, on va rester dans les rasoirs. C'est le seul lien que je trouve à faire avec ça. Old Spice. Je viens de mentionner le mot rasoir. Old Spice, une nouvelle publicité imprimée dans le magazine GQ qui contient en fait un veston, un blazer, un blason qu'on appelle, je crois en français, de papier. Tout ça jetable avec l'odeur du capitaine de Old Spice. Vous connaissez les campagnes publicitaires de Old Spice avec les gars vraiment shapés, pectoraux. Bref, chez Old Spice, les pectoraux, les affaires de vrais gars. Là, il regarde le hockey et il fait des pools de jeux vidéo. C'est ça que vous faisiez tantôt. Bref, Whedon & Kennedy a inventé ça. Ça fait partie d'une campagne pour l'agence qui rit des campagnes de fragrances de d'autres marques. Pour faire la promotion de Red Collection, Old Spice après ça appelle ça des odeurs, des parfums premium. Et la campagne avait une publicité diffusée complètement en français. Celle-là, vous l'avez vue, on n'en a pas parlé parce que tout le monde en a parlé, mais la publicité qui était diffusée en français pendant les Grammy Awards, qui eux sont en anglais, ça a fait quand même fureur à ce moment-là. Et bon, donc ça fait partie de la même campagne publicitaire. C'est un blason en papier dans une publicité que tu retrouves dans un magazine. Donc, tu as une page de carton épais qui est en enveloppe. Et donc, tu peux ouvrir l'enveloppe et le blason est tout à fait plat parce que c'est en papier. Ça prend quoi, l'équivalent de quelques pages à peine dans le magazine. Donc, ça paraît pas trop. Et ça ressemble à du papier mâché. On dirait que t'es une balloune. Papier mâché avec du journal. Ensuite, il nous en reste deux pour ce bloc-là. On va terminer là-dessus très bientôt. C'est un vidéoclip instrumental qui est rempli de paroles que personne ne peut entendre et on dit que c'est l'heure de briser le silence. C'est une question d'immigration ici. On dit donc que tu arrives dans un pays où personne parle ta langue ou comprend tes références. T'es pas capable de savoir est-ce que t'es capable de faire rire les gens, est-ce que t'es drôle, est-ce que les gens savent que t'es intelligent, est-ce que tu vaux la peine d'être connu. Donc, tu peux apprendre le langage, mais pousser tous tes sens au maximum, ça prend beaucoup d'efforts. Éventuellement, ça va être difficile, mais tu vas pouvoir passer au travers. C'est ce que la campagne nous dit. Il y a des gens qui entrent dans le monde sans cette option-là parce qu'ils apprennent quelques langues que, dans le fond, qu'ils ont appris juste leur langue à eux. Ils sont pas capables de communiquer avec les autres. Donc, c'est un vidéoclip créé par un band électro-franco-américain Haut en collaboration avec un danseur anglais qui s'appelle Billy Red. Ça s'appelle Unsilenced. Donc, c'est une pièce instrumentale où un homme danse dans une ville où personne n'a de visage. Donc, vous pouvez aller voir ça sur assemblagerequis.com. Le site web est unsilenced.fr. Et on dit, en fait, que la chanson a l'air instrumentale. En fait, je pourrais vous la faire entendre parce que c'est quand même assez important dans dans ce qu'on est en train de dire. Donc, on va avancer dans le milieu environ de la vidéo. Donc, la chanson a l'air instrumentale, mais ne l'est pas. Il y a des mots cachés entre ses mains. Apparemment, où est-ce que je vais aller voir ça? Je vais essayer de vous verrer pour pouvoir lire en même temps. C'est écrit par la parole aux sourds, parce que c'est du langage des signes. Ça paraît pas, mais quand il danse, il fait des mots avec ses mains. Ce que personne n'aurait pu deviner, si tu connais pas le langage des signes, bien sûr. Hein? Donc, on disait tantôt, les gens qui n'étaient pas capables d'apprendre une langue, c'est parce qu'ils sont sourds. Hein? Donc, il exprime son langage des signes avec une certaine beauté dramatique, disent-ils. Et ça souligne l'isolation que les gens sourds pourraient avoir dans la société parce qu'ils ne peuvent pas communiquer avec la langue du peuple. C'est très beau. C'est fort, hein? Avec la grosse mode de la danse d'interprétation, la danse, visuellement impressionnante qu'on a en ce moment avec les compétitions de danse à la TV. Contemporaine. Danse contemporaine est le mot que je cherchais. Chance que t'es là. Voilà, on va arrêter là-dessus. pour l'instant, on prend une pause au retour. Ben, Colin, je le sais, là. On va continuer en marketing parce qu'on vide l'arrière-boutique. Et plus tard, on parle sport avec Marc-Olivier Dumas. Restez. The Garys avec Make Out at the Drive-In. Assemblage Rocky, maintenant on retourne à notre bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Je préfère le goût de Burger King. Non. Non. I love you and I kiss you. $4.99 la minute. Pas de pub gratuite. Je suis déçu que t'as pas mis la pub de Walt quelque chose avec La madame était contente. C'est vrai, hein? Ça n'avait pas fait. On parle de Ogilvy maintenant qui a créé une publicité par balle pour manifester contre les. Pour manifester pour les lois contre les fusils. On comprend. C'est comme... Contre les lois anti... pour les lois, ouais, parce que c'est comme sur les chutes à contre la NRA, finalement. Contre la NRA. Oh, il y a une chute à vêtements, tu sais, de donner des vêtements aux pauvres qui est à Trois-Rivières-Ouest. C'est marqué, genre, donner, je sais pas trop quoi, pour le cancer. Ouais, mais tu donnes pas pour le cancer parce que ça voudrait dire que t'encourages le cancer à avancer dans ses projets, En fait, c'est... c'est contre le manque de lois. C'est contre le manque de lois de contre les fusils, de pour les enlever. C'est ça. Bref, on a mis ça devant la Maison Blanche, c'est ça. Et ça disait « This poster stops bullets because our gun laws don't ». Donc ce poster, cette affiche, arrête les balles parce que nos lois ne le font pas. Hein? Quand même fort, c'est par Green New York, ça s'appelle « Guns with History ». Non, ça c'est une autre campagne. Je m'en excuse, celle-là vient de Ogilvy and Mather, Chicago. L'exécution est pour « Americans for Responsible Solutions ». Donc une affiche par balles. Continuons avec, justement, parlant de fusils. C'est une cascade publicitaire de la part de Publicis qui permettait aux gens de tirer sur des étrangers et de penser qu'ils les avaient tués. C'est une campagne russe. Ouais, pour faire la promotion du contrôle des armes, les créatifs chez Publicis Russia voulaient voir ce qui allait se passer si on mettait les armes à feu entre les mains de n'importe qui. Donc, ils ont fabriqué une simulation en ligne qui permettait à n'importe qui de tirer sur des gens qu'on leur disait être... donc, dans le fond, on disait que c'était des vrais fusils dans une cour avec de vrais gens. C'est ce qu'on leur disait. C'est un jeu vidéo... mais tu sais, ça avait l'air vrai. Puis les gens se faisaient dire que c'était vrai, fait que j'imagine que ça pourrait avoir fonctionné là-dessus. Donc l'agence permettait aux gens de prendre tour à tour le fusil via le site web, donc dans le fond, ils prenaient le contrôle du fusil. Les gens, évidemment, qui étaient à l'écran étaient des acteurs, mais c'était de vrais humains. Et si les gens, les tireurs, choisissaient de tirer, ben l'acteur en question tombait par terre. Il y avait un cue qui était envoyé par un réalisateur. Et le fusil qui tirait, dans le fond, c'était une caméra spéciale qui marquait ça avec du faux sang numérique là, à l'écran. Plusieurs gens, apparemment, y ont cru. Il y en a qui sont plus naïfs que d'autres, faut croire. Ils pensaient que quelqu'un avait vraiment été tiré. Les acteurs ensuite se relevaient de la mort et un message apparaissait. C'est pas tout le monde qui est un propriétaire de fusil qui est responsable, mais ils sont toujours en vente libre. Donc c'était ce qu'on leur disait. Je vous montrerai pas la vidéo parce qu'on comprend le principe en l'ayant raconté comme ça, mais bon, je sais pas. Un jeu, c'est un peu difficile de croire que ça pourrait être vrai, même si on te le dit. Yep. Ensuite, L'Oréal utilise la technologie pour faire des milliers de différentes nuances de peau. Tu sais, on dit 50 Shades of Grey. Mais les gens qui sont de couleur de peau plus foncée, des fois, ont plusieurs milliers de différentes variations de peau. Donc, c'était à South by Southwest au mois de mars dernier, où des algorithmes et des machines ont préparé de la fondation. Fondation, c'est du fond de teint. Hein, et du sérum. Je sais pas trop comment ça s'appelle ça non plus. Mais bref, quand vous entrez dans une pharmacie ou peu importe, vous voyez un paquet de différentes couleurs. Mais c'est souvent des couleurs qui sont faites pour les couleurs un petit peu plus pâles. Hein. Sinon, dans le choix des couleurs plus foncées, il n'y en a pas tant que ça. Donc, L'Oréal essayait de changer ça. Avec deux expériences différentes au South by Southwest qui analysaient la peau des clients et puis mélangeaient des fonds de teint différents et des sérums. C'est un projet qui provient de leur laboratoire d'innovation à 30 personnes. L'Oréal, Lancôme et SkinCeuticals sont les deux marques qui testaient des formules personnalisées. La fondation de Lancôme qui s'appelle Le Teint Particulier. Le Teint Particulier. Hein, crée une... Le Teint Particulier. Moi, je trouve ça bien plus beau de même. Hein? Bref, eux, ils fabriquent des fonds de teint. Et SkinCeuticals Custom Dose, eux, fabriquent du sérum. Et le teint particulier, le fond de teint va en 8000 différentes nuances, alors qu'il y a 72 000... bref, il y a plein de détails que je comprends pas puis que ça m'intéresse pas. Mais l'idée est cool. Du fond de teint fait personnalisé pour la nuance d'une peau. La teinte. Peut-être avez-vous vu passer ça, c'était au mois de mars que ça s'est passé, comme j'ai toujours les meilleures campagnes publicitaires que j'ai trouvées depuis les dernières années. Louis-José Mondou qui a animé un téléachat en direct pour IGA, avez-vous vu ça? C'est Sid Lee qui a fait appel à Louis-José Mondou pour démocratiser le service d'épicerie en ligne de IGA, offert depuis plus de 20 ans. Wow! 20 ans de service en ligne pour IGA. Il y a d'autres marques qui sont même pas encore là-dedans. Ça fait 20 ans, je l'utilise pas. Ouais, mais tu pourrais. Tu sais, si tu veux sauver du temps à la place d'aller à l'épicerie. Hein. Je vais aller à l'épicerie. Moi, ouais, j'y pense le faire. J'y pense. Aller à l'épicerie? Ouais. J'y pense à manger, au lieu de juste à la chronique du jeudi matin. Bref, c'est ça, tu te fais des réserves le jeudi matin. C'est ça. J'en ai même de grosses batchs. Louis-José Mondou et sa co-animatrice Viviane, interprétée par Florence Lompré, ont désamorcé les freins de l'épicerie en ligne en direct sur la page Facebook d'IGA dans une émission d'une heure et demie qui s'amusait avec la forme du téléachat tout en sollicitant la participation du public par des questions et des concours. Il y a aussi un format télé de 90 secondes qui a été diffusé pendant Tout le monde en parle et La Voix, qui servait à faire connaître les avantages de l'épicerie en ligne d'IGA, mais qui invitait aussi les téléspectateurs à revoir l'intégrale de l'émission, toujours accessible présentement en différé. Il y a des bannières web, du contenu de médias sociaux et des vidéos de court format qui soutiennent l'opération. Voilà. Ensuite, dans le numéro du mois de mars 2018 de InStyle, le magazine InStyle, qui pouvait vérifier votre battement cardiaque avec une publicité interactive de la part de Toyota. C'était pour la Camry. Ça a pris 6 mois à fabriquer, apparemment. Donc, Toyota a approché InStyle l'an dernier pour trouver une nouvelle façon de passer des publicités pour sa Camry 2018. Et 6 mois plus tard, une insertion dans un magazine amène les lecteurs d'une façon extrasensorielle dans la voiture via la vue, le son, l'odeur et le toucher. Donc, pour commencer, les gens vont prendre la poignée de la porte. Ils vont placer leur pouce sur un sensor dans le magazine. Et lorsqu'on tire là-dessus, l'odeur du cuir va accompagner ça. L'odeur de la voiture neuve. L'odeur de la voiture neuve. Et ton battement cardiaque va être aussi mesuré, c'est-à-dire simulated heart rate. Donc j'imagine qu'on simule ton battement cardiaque. Toyota a travaillé avec son agence Saatchi & Saatchi et plusieurs compagnies pour construire tout ça, entre autres Structural Graphics. La publication a excédé son budget pour le mois de mars, selon InStyle, évidemment. Mais quand même, InStyle qui a quand même eu pas mal de succès là-dessus, et j'imagine Toyota aussi. Parlons ensuite d'une boutique dans des panneaux d'affichage numérique. Pour célébrer le 50e anniversaire de Mazda, on reste chez les voitures au Canada, Patterson Affichage et sa division numérique Fourth Wall ont créé une boutique numérique en collaboration avec l'agence J. Walter Thompson, accessible depuis un panneau d'affichage numérique spécialement créé pour l'occasion. La boutique vendait une série limitée d'affiches du peintre automobile Guy Allen. Ces affiches mettaient en vedette les modèles Mazda les plus célèbres ou leurs caractéristiques particulières. C'était un écran interactif de 93 pouces par 165 pouces situé dans le Royal Bank Plaza de Toronto, installé pendant un mois. Les messages de la marque dirigeaient les passants vers un terminal de paiement où ils pouvaient acheter librement une affiche. Les acheteurs obtenaient un reçu avec un code unique qui permettait d'accéder à un site dédié pour fournir leurs coordonnées de livraison. Et chaque affiche était offerte au coût de 5$ et les fonds accueillis étaient versés à une œuvre de charité. Un magasin dans une petite affiche, une grande affiche quand même. 93 ouais. par 165, c'est pas... C'est pas petit. J'aurais quand même pas dépensé pour ça. Quand même, avoir une affiche d'une publicité de Mazda... Non, mais de Guy Allen. J'ai aucune idée c'est qui Guy Allen, mais je suis sûr qu'il est connu dans le domaine automobile. C'est le frère de Woody. C'est le frère de Woody. Et voilà. un concours pour lequel il fallait avoir de la patience ensuite. C'est Patience Fruit & Company qui faisait la promotion de ses produits et communiquait son positionnement de marque unique. Donc, pour promouvoir ces produits, il y avait un concours auquel les gens pourraient participer pendant 3 ans. Donc, ils souhaitaient arriver avec une idée qui allait se démarquer et capter l'attention des consommateurs tout en rappelant les fondements de leur marque. Et l'offensive se déployait en radio, sur les réseaux sociaux et sur le web. Il y avait une page d'atterrissage avec un compteur qui égrenait chacune des secondes menant au lancement du concours dans 3 ans. Faut être patient. Quand ta compagnie s'appelle Patience, ça a du sens. Hein? Ensuite, des publicités qui interrompent d'autres publicités. Vous avez tous vu les publicités de Tide au Super Bowl, probablement. Geico a un peu fait la même chose. C'est une compagnie d'assurance de voitures, entre autres. Donc, Geico qui interrompt d'autres publicités de Geico dans un genre de gag de pre-roll sur YouTube, donc sur des vidéos en ligne où tu as une petite vidéo avant la vidéo. C'est donc The Martin Agency qui a expérimenté avec les pre-rolls en leur mettant un petit message de marketing qui serait impossible à skipper. Hein? Ils ont aussi, à travers le temps, fait des annonces qui avançaient elles-mêmes dans le temps en accéléré pour te sauver du temps. Ça, c'est des publicités de Geico qui avançaient toutes seules. Et il y avait aussi des publicités qui étaient écrapouties en temps réel pendant les 6 secondes pour comme les tasser, mais dans le fond c'est des publicités que tu pouvais pas skipper. Et bien maintenant c'est leur 4e année de pre-roll comme ça, de gag de pre-roll, et ils essayaient quelque chose de différent en interrompant le médium de ses propres publicités avec d'autres publicités. Ça s'appelle Interrupt Palooza. Il y en a 6 au total. On va en regarder une, pourquoi pas. Donc des gens qui sont assis dans leur lit en train de lire un livre. Est-ce que j'ai du volume là-dessus? J'ai pas de volume là-dessus, je m'excuse, c'est ma faute. Nous interrompons votre vidéo pour vous présenter un message de Geico. Je suis tellement content d'avoir été Geico. Et là, ils interrompent la publicité avec des gens qui font du vélo stationnaire en disant « J'ai économisé de l'argent avec Geico ». Et nous interrompons cette annonce pour vous présenter notre logo. Donc, en 14 secondes, on a interrompu deux fois la publicité pour présenter le même message. C'est quand même bien. C'est original, j'aime ça. Ensuite, Amnesty International a hypnotisé des gens pour leur faire comprendre l'horreur d'être réfugié. C'est TBWA qui essaie un petit peu de nous donner de l'empathie, je vous dirais. Donc, c'est Amnesty International aux Pays-Bas qui voulait que les gens comprennent mieux ce que les réfugiés vivent. Donc, ils ont hypnotisé et ils ont fait marcher comme ça. Et puis, on monte ça dans une campagne de TBWA Nebocco. C'est une vidéo de 5 minutes où les sujets du Pays-Bas et de la Belgique arrivent dans un entrepôt vide. Un hypnothérapeute les assoit dans une chaise et les place dans un état d'hypnose. Et ensuite, il leur raconte l'histoire et leur fait vivre les détails vraiment horribles. Donc, d'une femme qui s'est échappé de la Syrie pendant la guerre civile, une guerre qui a encore lieu presque 7 ans plus tard. Donc c'est sûr que si vous voulez passer une journée de bonne humeur, peut-être pas la vidéo à aller voir. Oui, c'est un peu déprimant. Il y a comme un problème, je suis pas hypnoréceptif. Ouais, moi non plus, c'est ça, puis j'y crois même pas. C'est fait que tu sais, ça va pas bien. Ben, je peux plus dire que j'y crois pas depuis que j'ai vu quelqu'un faire le poulet. Après avoir été là. Oh oui, okay. J'étais là à côté, il picossait sur mon bureau là. Et tu y fais confiance cette personne-là? Oui, je le connais, c'est un de mes amis, okay. Puis il était complètement plus là, il était rendu qu'il picossait sur mon bureau. On était tous pliés en deux dans la classe. Oh, ouais, ok. Mais, tu sais, moi je sais que je suis pas hypnoréceptif. Ouais. En fait, on était quoi, une classe d'une quarantaine de personnes, mm-hmm. Puis je pense qu'il y en a 5 qui étaient réceptifs, qui okay. se sont fait hypnotiser. Puis on s'est pas mal foutu de leur gueule. Ça doit, ouais. Eh ben, ah ouais, ok. Je vais peut-être m'ouvrir l'esprit un peu là-dessus, hein. Ensuite, on va parler de BET qui a fait quelques expériences en fait avec des séchoirs à cheveux en réalité alternative pour promouvoir la deuxième saison de leur série The Quad. C'était dans des salons de beauté, des salons de coiffure qui ont fait ces événements-là à la première de l'émission à New York, Chicago et à Atlanta. Donc, BET, leur public cible, c'est des femmes afro-américaines, hein? Et puis, c'est ça, il y a plein de détails là-dedans, un petit peu... de la réalité alternative. Quel genre de réalité alternative? Oui, c'est dans un salon pop-up à New York le 22 janvier, une version modifiée d'un séchoir qui existait déjà. Et puis avec la marque de BET et de quoi dessus, t'avais un visor dedans qui avait un iPhone 10. Donc ça permettait aux gens évidemment de tester l'iPhone 10, mais de se mettre le casque sur la tête et d'avoir l'iPhone devant les yeux et de vivre de la réalité alternative avec l'émission dedans. On pouvait sélectionner plusieurs expériences, donc la première de la deuxième saison, un récapitulatif de la première saison ou un résumé de la deuxième. Tout ça était matché avec le temps précis que ça prend pour se faire sécher les cheveux sous ce gros séchoir-là. Donc de la réalité alternative pour vendre de la télé. Et ensuite, on continue avec de fausses publicités pour un gym qui sont en fait des promos pour des émissions de télé, encore une fois. C'était pour la première de l'émission de Pop, c'est une chaîne de télé américaine, qui s'appelle Let's Get Physical, l'émission. Mm-hmm. Ouais, ça s'appelle comme ça. Donc, des publicités créées par Pop pour sa comédie à thématique aérobique. C'est probablement la première fois que j'entends ça, que j'entends une série comédique sur l'aérobie. Mettant en vedette Matt Jones, qu'on a vu entre autres dans Breaking Bad. Donc, dans leur campagne de marketing, on a créé des promos pour des gyms fictifs dans la série. Donc, t'as Fitness by Force, entre autres, et le Matrix Fitness Club. Et ça. En fait, on jouait ces promos-là dans les vrais gyms, c'est bien ça, ouais. Donc, les publicités étaient diffusées à la télé avec un numéro de téléphone et des sites web pour chaque gym qui menait vers des promotions pour l'émission. Donc, dans la publicité de Fitness by Force, on disait qu'ils étaient vraiment un gym mom and pop, là, un gym de quartier. Voilà, vous pouvez aller voir les vidéos sur assemblagerequis.com. C'est quand même cool, comme il est. La moustache du deuxième. Ouais. Pas pire, hein. Je pense qu'on va arrêter là. J'en ai assez. Moi, tu vois, je suis rendu épuisé et j'ai chaud en ce moment. Fait que j'arrête. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission. C'est dans les notes numéro 1241. Simple comme ça à retenir. 1241 sur assemblagerequis.com. Je lance le relais dans quelques instants à Marc-Olivier Dumas qui va nous parler de sport tantôt. De quoi est-ce qu'on parle? T'as l'air surpris. Je t'en ai déjà parlé de quoi qu'on parle. Ouais, mais moi, je le sais, mais le public le sait pas. Hein. Oui, donc pour ceux qui n'étaient pas là, on va parler. ça fait quand même une heure de ça. Donc, ce matin, on va parler du sport le plus dur à pratiquer. Et quand je parle dur, ce n'est pas nécessairement techniquement, mais c'est selon plusieurs critères. Uh-huh. On va parler de sport bizarre qui a eu lieu aux Olympiques à travers le temps et de e-sport. Est-ce que c'est vraiment un sport? La réponse est non. On retourne dans Sport. C'est une blague. On en parle, on en débat dans quelques instants dans Sport effiloché, dans même pas deux minutes. La pièce fatigue, assemblage requis. Ah, maintenant, c'est le moment de parler de sport. Enfin, voici Sport et Philosophie. Enfin, comme je l'aimais ça. Par assemblage. Oh, yeah! Je te vois, t'es tout excité. Ah, je sais. Tu rends ça intéressant quand même. Hey! Plus que Tania! Sans commentaire. Par le philosophe Marc-Olivier Dumas qui est là pour nous parler de différentes choses. En fait, plusieurs sujets aujourd'hui, mais par quoi est-ce qu'on commence? On va débuter avec les sports les plus durs à pratiquer parce que je trouve que c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Ben, je dirais les boules de quilles ont l'air assez solides là, quand tu l'as touches. Oui, mais tu sais, je veux dire... Ils sont durs. Tu préfères les grosses ou les petites boules? Oh boy, les grosses, oh les grosses! Mais pas de trous, par exemple. Les grosses, pas de trous. Les grosses, pas de trous. En tout cas, je fais l'image. Donc, pour le sport le plus dur, en fait, je prends un article qui est paru dans le Bleacher Report il y a quelques années. L'article date quand même de 2011. Tu m'imites, hein? Encore une fois, tu me copies. Tantôt, j'ai sorti des vieilles affaires, moi, en faisant des best-of. Tu fais la même chose? Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Donc, étant donné que l'article commence à dater un petit peu, des sports comme les arts martiaux mixtes ne sont pas inclus dans... Ah oui, ok, c'était pas aussi à la mode. Ça débutait, c'était pas connu, donc ça fait pas partie. Ça prendrait peut-être la place d'un sport ou deux dans cette liste-là, mais essentiellement, il y a pas beaucoup de changements dans cette liste depuis 2011 de toute façon. Là, je connais pas beaucoup de nouveaux sports qui ont été créés. Ouais, non. L'ultimate frisbee, c'est si dangereux que ça. Ça demande l'endurance. C'est dur. C'est pas si dur que ça. Ben, c'est peut-être comparable au soccer au niveau technique. Tu sais, soccer, c'est frapper le ballon. Frisbee, c'est mettre de l'effet dans ton frisbee. Ça peut être difficile. Je pense que le frisbee, c'est un sport, somme toute, assez simple. C'est ce qui fait la force du sport en soi, que le frisbee. C'est simple. Facile d'approche. Hein. C'est ça, c'est très facile d'approche. Donc, un peu n'importe qui peut jouer. Pas n'importe qui peut être bon, mais n'importe qui peut jouer. Un peu comme le soccer, mais le soccer, étant donné que c'est beaucoup plus connu, ça prend encore plus d'habileté pour être au sommet. Donc, pour déterminer quel est le sport le plus dur, l'article en question s'est basé sur 6 critères. On donnait des points de 0 à 10 sur 6 critères. D'abord, l'endurance. Donc, est-ce que le sport nécessite beaucoup d'endurance? La vitesse nécessaire. Est-ce que c'est un sport qui est rapide ou un sport qui est fait plus sur le long, qui prend plus son temps? La force nécessaire, force physique. Est-ce que tu nécessites beaucoup de force physique? L'agilité. Les... le terme français, skills, c'est les habiletés. Les habiletés, merci. Donc, les habiletés nécessaires dans le sport. L'attitude. Et finalement, la physicalité. Soit les contacts physiques, est-ce qu'il y a beaucoup de contacts physiques, etc. dans le sport. Et selon ces critères-là, Fred, que tu suis un peu le sport, j'aimerais ça que tu me... D'après toi, ce serait quoi le numéro 1? Le numéro 1, j'aurais tendance à dire le rugby. Ah oui, le rugby, ça aurait du sens. C'est pas un mauvais guess. Moi, je dirais le baseball, c'était pas de jackstrap. C'est pas dangereux, le baseball, si tu joues dans le champ. Non, ça va. Donc... Je vais débuter d'abord avec les mentions honorables. Pour débuter, on a les triathlons Ironman avoir 26 points. Vont aller chercher le maximum en endurance. On va se le dire, c'est très très difficile faire un Ironman. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est 3,8 km de natation. On débute avec ça. Par la suite, on fait environ 180 km de vélo. Et si c'était pas assez, on finit avec un marathon. Et si t'es Robert Downey Jr., tu fais le cash. Plusieurs milliards de dollars, c'est ça? Dans l'Iron Man. Ouais. Exact, c'est ça. Mais c'est une course qui est excessivement difficile, ça prend beaucoup d'entraînement. Les meilleurs athlètes au monde sont capables de faire cette course-là entre 7h30 et 8h30, dépendamment des conditions. C'est très rapide. C'est long, là? C'est long, longtemps, c'est un chiffre de travail. Oui, mais c'est quand même très rapide pour les distances. Ça dépend aussi des conditions du circuit. Si c'est un circuit en vélo avec plusieurs montées, plusieurs descentes, ça peut jouer sur le temps, mais sur du plat, 180 km, une vitesse moyenne de 40-45 km/h, Ça se fait à peu près en 4 heures. Okay. Plus la natation qui se fait à peu près en 1 heure et le marathon en 2h30. Hmm. Ça nous fait aux alentours de 7h30, 8h. Wow. C'est très rapide pour ce genre d'épreuve-là. Surtout, tu sais, quand tu considères que tu vas faire un marathon en 2h30, mm-hmm. mais tu as déjà dans les jambes 180 km de vélo et 3,8 km ouais. de natation. Et ça, on le rappelle, c'est des jambes de jambon là, quand tu les regardes. Ah, c'est fumé. Oui, oh. Oui puis non. Là. Non? Ben, pas qu'ils ont l'air d'avoir des jambons. C'est pas aussi pire que les cyclistes okay, professionnels. Okay. Ouais. Si t'as déjà regardé des cyclistes dans un vélodrome, là. Ah oh, ouais, ouais. Tu sais, la madame, tu l'appelles monsieur, là. Fais pas ce genre de gag là sur mes ondes. Mais pour la course du marathon, ça, les gros jambes ne sont pas nécessairement priorisés, disons. Non, okay. Parce que c'est pas un sport en sprint, ça demande pas de l'explosion, ça demande beaucoup d'endurance. Donc, au final, plus t'as de poids à traîner, plus c'est difficile parce que plus ça demande d'énergie. Donc, c'est là que un corps physique plus velle va être priorisé pour pouvoir avoir moins de poids à déplacer quand tu cours. Donc, ça va être des jambes plus normales. Quand on parle de cyclistes professionnels, là, les sprinteurs, eux autres, pour vrai, vont avoir des grosses jambes parce qu'eux autres, ils travaillent en explosion, ça prend beaucoup de puissance, mais n'auront pas nécessairement la même endurance que... Okay. Donc, on donne 10 points à l'endurance. La vitesse, bon, il n'y en a pratiquement pas. Ça nécessite un peu de force physique, mais c'est pas beaucoup. Un peu d'habileté, un peu d'agilité. Mais tu sais, c'est vraiment minime par rapport à l'endurance. C'est pour ça que le Ironman fait 26 points et ne se qualifie pas dans le top 10. Autre mention honorable, c'est le soccer. Mm-hmm. Soccer avec 32 points. On donne 6 points pour l'endurance. Oui, c'est un sport qui nous demande de l'endurance. Oui, c'est un sport qui court beaucoup. La différence, c'est que le soccer, ben, tu peux marcher de temps en temps. Tu sais, c'est pas 90 minutes mm-hmm. où tu vas courir sans cesse. Donc, il y a des temps plus morts, il y a des temps plus au ralenti. Oui, il y a des moments où on va donner plus d'énergie, il va avoir de la vitesse, mais c'est pas un sport qui nécessite beaucoup de force physique. C'est pas un sport qui nécessite beaucoup d'agilité. Ça en nécessite, mais c'est pas le sport qui en nécessite le plus. Ça nécessite des habiletés techniques, mais il y a des sports, par exemple le baseball, à mon avis, qui est un des sports qui demande le plus d'habileté. Là, c'est un des éléments le plus dur dans le monde du sport, c'est de frapper une balle de baseball qui arrive vers toi à 95 000 à l'heure. Mm-hmm. Pour donner une idée, ça t'a à peu près 4 dixièmes de seconde du moment où le lanceur lâche la balle et que la balle est soit dans la mitaine du receveur ou que tu l'as frappé. Mm-hmm. T'as pratiquement pas de temps de réaction. Donc c'est très très difficile. Et au soccer, bon, il y a l'aspect physique, oui, qui rentre en ligne de compte, mais c'est pas quelque chose qui est très présent par rapport à des sports comme le rugby, tu disais, ou le hockey, où il va vraiment, tu sais, le contact physique fait partie du jeu directement. Et finalement, dernière mention honorable, c'est le tennis. Tennis qui demande beaucoup d'endurance, quand même un peu plus que le soccer, parce que surtout des tournois du Grand Chelem, on va se retrouver, tu sais, on a vu des matchs de première ronde durer 3 jours. Ouais, ça c'est un peu intense. C'est mais... pas 3 jours non-stop. Mais c'est une douzaine d'heures que le match a duré. Des finales, c'est pas rare, une finale de Grand Chelem, que ça dure pratiquement 5 heures. Et bon, il y a pratiquement pas de temps de repos. Il y a un peu de temps de repos à tous les 10 minutes. Ils ont 2-3 minutes. Mais tu sais, c'est continu. Faut tout le temps que tu cours. Bon, ça nécessite de la force. Faut quand même être capable de frapper la balle avec force. Si on frappe pas la balle de bonne façon, ça va être trop facile pour l'adversaire. Ça prend quand même de l'agilité. On fait beaucoup d'allers-retours. C'est très très dur pour les chevilles. Ça prend quand même des habiletés techniques. Mais le problème du tennis qui fait qu'il ne se qualifie pas, c'est qu'il n'y a aucun aspect physique. Ouais. À moins de vraiment avoir des réflexes de merde, il n'y a aucune chance que tu reçoives la balle à une place que tu voudrais pas. Il n'y a aucun contact physique entre les adversaires. Donc à ce niveau-là, va perdre des points. Donc, si on rentre dans le top 10 en soi, en 10e position, probablement un sport que vous ne connaissez pas vraiment, c'est le football gaélique. Gaélique, non, oui, je donc pas. C'est irlandais. C'est un sport qui est totalement amateur, donc c'est juste des amateurs qui participent aux compétitions. Et c'est un genre de mélange entre le football, soccer, rugby. C'est vraiment un mélange de plein de sports. Et le but, c'est de mettre le ballon soit entre des poteaux ou dans un but. Okay. C'est un sport qui nécessite quand même beaucoup d'endurance. Ça nécessite de la vitesse, de la force. Et c'est quand même beaucoup plus physique. La seule différence, par exemple, c'est que ça nécessite moins d'habileté technique que va le nécessiter le soccer. Là. C'est, beaucoup, c'est plus facile à jouer, c'est plus facile, c'est plus accessible, mais il y a plus de contact physique, ce qui fait que l'article en question a décidé de donner le bris d'égalité à ce sport-là. Mmh. Parce qu'en cas de bris d'égalité, ils vont souvent donner au sport qui demande plus de contact physique, parce que c'est quand même... ça joue dans la tête. Mmh. Et on va le voir un petit peu plus tard. En 9e position, on retrouve la gymnastique. Oh, je me serais pas attendu à ça. Hein? Mais la gymnastique, ça peut être surprenant, mais quand on analyse dans son ensemble, on comprend assez rapidement pourquoi. C'est pas un sport qui nécessite beaucoup d'endurance. Ça en nécessite un peu, mais très peu. C'est pas un sport de vitesse, mais ça nécessite tellement de force physique. Ça doit, ouais. Ça nécessite tellement d'agilité pour être précis, être parfait, et c'est tellement technique comme sport que la gymnastique a clairement sa place à cet endroit-là. On peut pas penser... Tu sais, avez-vous déjà regardé les anneaux chez les hommes? Ouais. Mmh. Je pense qu'il y a rien dans le monde du sport qui demande autant de force physique, où les gars se tiennent avec juste la force de leurs bras, doivent tenir leur corps en équilibre. Souvent, vont faire une planche sur deux anneaux qui... tout ce qu'ils ont le goût, c'est de te lâcher. Ça nécessite une force physique incroyable qui fait que ce sport-là a sa place dans ce top 10-là, même s'il n'y a pas autant d'endurance, il n'y a pas autant de vitesse. C'est la force et l'agilité et le technique qui prend tout son sens à ce niveau-là, parce que c'est un sport de jugement. On regarde et il faut que tu sois parfait, il faut que toutes tes positions soient faites à la perfection, sinon tu perds des points et là tes chances de médaille qui disparaissent. En 8e position, on classe le basketball. Basketball qui peut sembler aussi une entrée surprise dans ce top 10-là, surtout considérant que le soccer n'est pas dans le top 10. Mais quand on s'y attarde un peu plus, on constate, bon, basketball, ça nécessite quand même beaucoup d'endurance. On court pas mal tout le long du match, il y a très peu de changements. C'est un sport qui est quand même relativement rapide, semblable au soccer. C'est quasiment du soccer vertical quand on regarde ça. Oui, c'est ça, mais c'est un sport qui est assez rapide. Ça nécessite un petit peu plus d'agilité dû au fait qu'il y a beaucoup de changements rapides, changements brusques, qu'on essaie de surprendre l'adversaire plus qu'au soccer. Tu sais, au soccer, des fois, tu vas... bon, il y a des moments plus lents et bon, il y a des feintes, mais il n'y a pas autant d'essayer de prendre l'adversaire à contre-pied avec une feinte de pied. Donc, ça va changer. Et... tirer dans un but de soccer avec un pied, c'est un peu plus facile que tirer dans un panier de basketball. Parce qu'il est plus gros, c'est ça? Ben, il est plus gros, de un. En fait, oui. Moi aussi, il est plus gros. Il est plus gros. Je veux dire, le panier de basketball est vraiment plus minuscule. Petit. Ça prend des années de pratique pour être capable de bien tirer dans un panier et de l'avoir de façon régulière. Si on allait jouer pour le plaisir, toi puis moi, même si t'aimerais pas ça, mais si on allait jouer pour le plaisir, même moi, si j'avais un panier sur 10 ou 2 sur 10 de la ligne des lancers francs, ça serait beau, et eux autres l'ont 80% du temps. Ouais, c'est ça. C'est très très dur, et il y a quelques points de physicalité, même si c'est un sport qui est réputé sans contact, il y a quand même du contact. Ben oui, il y en a. Ouais. Il y a quand même du contact, et plus qu'on le pense. 7e position, une autre entrée irlandaise. On parle du hurling. Pas le curling. Hurling. Hurling. Hurling, OK. Hurling. C'est un sport qui est très semblable au football gaélique, mais la différence se joue avec un bâton, comme un genre de bâton de hockey sur gazon, tu sais, en genre de U, et avec une balle. C'est comme un mélange de hockey, baseball, cricket. Le but... pour vrai, c'est les Irlandais, ils ont le tour de mélanger des sports dans une affaire et faire ça, c'est un sport. Ils rendent pas ça populaire nulle part dans le monde. C'est comme ça se joue juste là-bas. Il me semble que ça a pas pris de l'ampleur, ces affaires-là. Non, pas vraiment. Il y a peut-être une raison, je sais pas. Probablement qu'ils jouaient trop souvent sous à ça. Ah là là, les commentaires là. C'est des indécis finalement. Ils savent pas quel sport faire, fait qu'ils font tout en même temps. Exact. Mais pour avoir regardé une fois, tu sais, dans le temps qu'RDS2 présentait beaucoup de sports bizarres, j'ai vu un moment donné le hurling, et c'est un sport qui me semblait vraiment intéressant dû au fait qu'ils contrôlent la balle avec un bâton avec, en forme de J, et là ils courent avec, et pour faire une passe souvent vont juste lever la balle et comme au baseball vont faire un swing et ils vont frapper, et le terrain qui mesure une centaine de mètres, c'est à peu près la grosseur d'un terrain de soccer, ben, tu vois la balle qui va jusqu'à l'autre bout, et sérieusement il y a des gardiens de but dans ce sport là parce qu'il y a des poteaux comme des placements au au football. Et il y a un but normal. Donc, si tu mets la balle dans le but, ça donne plus de points que si tu le mets entre les poteaux. Et il y a un gardien de but. Mais le gars qui tire à coup de baseball sur le gardien de but, je sais pas, mais moi je pense que j'aurais un peu à chien. Puis le gars il se pitch devant la balle pour faire l'arrêt. Moi j'ai juste l'image de Picsou dans le jeu DuckTales quand il frappe les, ouais, les chacanes avec sa canne. C'est pas ça. Ouais, ça ressemble quasiment à ça. Et c'est un sport qui est très très physique. C'est pas nécessairement le sport qui nécessite le plus d'agilité. Y a pas autant de mouvements, par exemple, au basketball pour déjouer l'adversaire. Mais ça prend quand même des habiletés pour frapper la balle et bien la frapper. Ça nécessite un peu de force, de l'endurance. Mais c'est surtout l'aspect physique qui va donner la 7e position au hurling. Ça s'écrit comment, ça? H-U-R-L-I-N-G. Ah, comme dans lancer, to hurl something. Okay. Mm-hmm. Oui. Alors, 6e position, peut-être une entrée surprise. C'est une entrée qui, à mon avis, dépend vraiment des positions. Et j'ai nommé le football américain. Ben oui. Le football américain, on va se dire, c'est pas le sport qui nécessite le plus d'endurance. Mmh. On joue, on prend un break de 40 secondes, on joue, on prend un break de 40 secondes. Un petit bang. Ce qui fait la force... Ce qui fait la force de ce sport-là, c'est quand même un sport qui est rapide. Quand le jeu se fait, c'est un sport qui est rapide. Le corps arrière n'a pas beaucoup de temps. On fonce, on court. Donc, il y a beaucoup de vitesse et il y a beaucoup de force nécessaire pour bien performer dans ce sport-là. Tu peux pas jouer au football et ne pas t'attendre à devoir forcer. Quand t'as un gars devant toi qui veut essayer de te plaquer ou les gars sur la ligne offensive ou défensive, ça prend beaucoup de force pour essayer soit de repousser ou d'être capable de percer la ligne. Donc ça prend beaucoup de force. C'est pas le sport avec le plus d'agilité, c'est pas le sport avec le plus d'habileté, mais c'est un sport qui est très physique et c'est ce qui va donner la 6e position. Encore là, je pense que pour ce qui est de l'agilité par exemple ou le déshabilité, ça dépend de la position que tu joues. C'est extrêmement variable. Par exemple, un joueur de ligne aura peut-être pas la même agilité qu'un running back, dans le fond, le demi qui va courir avec le ballon. Est-ce qu'on fait des moyennes de tout ça, peut-être? C'est ça, probablement, mais c'est un très bon point, ce que Fred amène, parce que le receveur de passe et le coureur, le porteur de ballon, vont devoir être très agiles pour essayer de feinter la défensive. Souvent vont être capables de faire des mouvements brusques avec les pieds, de continuer à courir malgré avoir tourné sur eux-mêmes. T'sais, c'est des personnes très agiles. Sauf que le joueur de ligne offensive et le corps arrière, c'est pas nécessairement les joueurs les plus agiles. Donc au niveau de la moyenne, je pense que c'est là que ça se compense. Même chose, ça prend beaucoup d'habileté pour être corps arrière. Mais c'est quoi les critères pour être receveur de passe? T'es capable d'attraper le ballon. Puis à l'inverse, le batteur n'a pas nécessairement besoin d'une énorme force physique. C'est ça. Fait que... C'est un sport qui est difficile à juger parce qu'il y a beaucoup de positions et beaucoup de jeux différents. Ouais. On rentre dans le top 5 et se classant 5e, c'est le sport national canadien. Le hockey. C'est un sport qui nécessite quand même de l'endurance, on va se le dire, c'est très très éreintant jouer au hockey, c'est un sport qui est très rapide. Je pense qu'il aurait pu donner plus de points pour la vitesse à ce niveau-là. On dit que c'est le sport d'équipe le plus rapide au monde, ah. Littéralement. Donc ça nécessite quand même beaucoup d'endurance, c'est très difficile. Oui, il y a des changements, c'est là qu'ils vont perdre un peu de points sur l'endurance, mais... Le jeu se fait tout le temps à plein régime, contrairement à d'autres sports comme le soccer où, bon, on est sur le terrain les 90 minutes, donc on gère notre énergie. Au hockey, c'est pas la même façon. On ne gère pas notre énergie. On donne tout et on va s'asseoir après. Donc, c'est un sport qui nécessite quand même de la force. Ça nécessite quand même beaucoup d'habileté technique. Tu sais, tirer une rondelle de hockey ou bien déjouer quelqu'un, ça c'est difficile. Faut être assez agile pour être capable de patiner. Et il y a quand même un bon aspect physique dans le sport qui fait que le hockey se classe en 5e position. 4e position, c'était le numéro 1 à Fred, rugby. Ouais. La première fois que j'ai vu ce top 10-là, j'étais un peu surpris. Je m'attendais justement à ce que le rugby soit plus haut que ça, soit mieux classé. Mais quand je vais vous présenter le top 3, vous allez probablement être d'accord. Donc, rugby, c'est un sport qui est... assez semblable au football américain. Mm-hmm. Le football américain, en fait, c'est un descendant du rugby. À la différence qu'il n'y a pas de pause. Ah, OK. Les joueurs jouent 80 minutes. Deux mi-temps de 40 minutes. Ça, c'est le rugby à 15. Les parties vont changer un petit peu dépendamment de la forme de rugby. Par exemple, le rugby à 7, je pense que c'est des matchs d'une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. Là, c'est beaucoup plus court. Mais ça nécessite beaucoup d'endurance parce qu'on court tout le temps. Il n'y a pas d'arrêt. Et constamment, on se fait frapper. Constamment, l'adversaire est sur nous. Donc, comme au football, ça nécessite quand même beaucoup de force physique. Et il y a un aspect physique très important qui fait que le rugby se classe à ce niveau-là. Faut que tu sois un petit peu sadomaso. C'est quoi? Malade mental? C'est ça, pour vouloir te faire vivre ces affaires-là. Ben, c'est physique. Déjà, les mises en jeu au rugby, c'est vraiment incroyable. La mêlée, c'est des joueurs qui s'enchaînent l'un dans l'autre avec leurs bras. Il y en a d'autres qui vont s'installer à l'arrière et ils poussent une équipe contre l'autre pour faire avancer puis que la personne prenne le ballon et... Certains pourraient dire que c'est sauvage et barbare. C'est sauvage et barbare, mais il y a un respect à ce niveau-là. Ouais. Il y a moins de blessures au rugby qu'au football américain, même s'il ne joue pas de protection. Ben parce que la façon de plaquer, la façon d'immobiliser un joueur est totalement différente. Le fait que tu n'aies pas de protection t'oblige à utiliser une technique qui est différente. Au football, les gars, ils ont comme pas de cerveau des fois. Ils rentrent tête première, ils disent j'ai un cage, j'ai les épaules, il n'y a pas de problème. Fait qu'ils vont avec des jeux qui sont excessivement dangereux, se disant protégés. Collectionne les commotions cérébrales. Et voilà. Mm-hmm. Alors qu'au rugby, étant donné qu'ils sont pas protégés, ben il va falloir qu'ils trouvent une manière différente d'aller chercher, de plaquer l'adversaire. Tu peux pas rentrer tête première, ben c'est sûr tu es sur le coup. Et à peu près tous les joueurs sur le terrain sont extrêmement agiles dans le sens qu'ils vont être capables de feinter, mais ils sont aussi extrêmement rapides. Oui. Donc tu peux pas attendre en défensive et je vais aller plaquer ce joueur-là en ligne droite, c'est à peu près impossible. Donc t'as beaucoup de stratégies à essayer de bloquer puis en équipe à essayer de plaquer. J'ai tellement l'image dans ma tête de rugby dans un salon de coiffure où tu vas plaquer le monde avec un fer à plaquer. Puis je te plaque les cheveux. Puis encore là, au rugby, comme au football américain, il y a des positions. Par exemple, les 1, 2, 3, c'est des joueurs qui vont être beaucoup plus corpulents. C'est les joueurs qui vont être en avant sur la mêlée. C'est eux qu'on va s'attendre à ce qu'ils fassent le passage. Tu sais, ça, c'est comme le brise-glace. Il rentre dans le tas, puis il tosse tout le monde. Quand il bloque, ben là, il va passer un joueur qui est peut-être un peu plus rapide. Et il y a un botteur que botter au rugby, c'est beaucoup plus difficile que botter au football américain. Football américain, c'est très, très simple. Le ballon est là, t'as juste à le botter. Au rugby, il doit faire bondir le ballon avant de le botter. Mais juste y penser, là, si tu fais bondir un ballon qui est elliptique, il y a peut-être des chances qu'il bondisse mal puis qu'il se retrouve n'importe où. Ouais, c'est ça, s'il rebondit sur le mauvais côté, il part dans tous les sens. Ça. C'est ça, c'est un art de faire bondir le ballon. Ces gars-là, c'est quand même des pros, là, sont capables de faire bondir le ballon comme qu'ils veulent, mais c'est quand même assez difficile, donc il y a un aspect d'habileté qui est différent. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont pas protégés au rugby? Tu sais, parce qu'il y a pas des règlements là-dessus pour empêcher, il me semble, les affaires dans certains sports. T'as pas le choix de porter un casque au hockey, c'est ça? Ben, il y a certains qui vont porter une légère protection à la tête. Oui. Donc, un espèce de petit padding serré sur la tête. Un bandana. Sinon, ça va être souvent du taping sur les articulations, par exemple. Mais il y a des réglementations, par exemple, par rapport au sang. Si jamais tu te fais couper ou que ça arrive que tu te casses le nez au rugby, ben t'as pas le choix de débarquer pour au moins nettoyer, mais les gens vont rembarquer après. C'est pas pour prendre soin de toi, c'est juste pour nettoyer, pour faire des dégâts. Okay, le gars qui saigne, ils vont le débarquer, puis tu vas le voir 10 minutes plus tard, il va être sailas. Puis le problème à des sports, le hockey, s'il y a autant de protection, c'est faut aussi qu'il se protège de la glace. Tomber sur du gazon, ça fait pas autant mal que tomber sur de la glace. Ouais. Ça, on va se le dire. Là. Le hockey, c'est là où ils doivent se protéger. C'est pas tant le contact physique. Le contact physique, ça fait partie de la game. Il faut qu'on se protège un peu. Mais c'est vraiment au cas où on tomberait sur la glace que là, les risques de blessures sont plus élevés. Souvent, les joueurs de hockey vont se blesser, non pas quand ils se font plaquer, mais quand ils tombent sur la glace. Les commotions cérébrales, c'est quand ils tombent sur la glace, sa tête se cogne sur la glace, c'est là qu'il y a le plus de blessures, et non au moment du contact. Ouais. C'est sûr qu'il y en a au moment du contact, il y a des contacts qui vont amener des blessures, mais la glace est un élément de blessure non négligeable par rapport au soccer, au rugby ou d'autres sports qui sont sur du gazon. J'ai remarqué qu'il n'y a pas de sport dans l'eau jusqu'à maintenant. Non. Ça de même. Numéro 3. Oui. Et c'est là que je vous disais que le bris d'égalité entrait en ligne de compte, parce qu'avec 40 points, tout comme le rugby, se classe la boxe. Ouais, pourtant, hein? La boxe, ça demande de la vitesse. Si tu veux être capable de frapper ton adversaire, tu dois être très rapide. Faut que tu sois agile pour frapper un adversaire. Mmh. Faut que tu sois capable d'éviter les coups. Faut que tu sois fort. Si tu veux espérer avoir une chance d'avoir une carrière professionnelle dans la boxe, faut que tu sois très fort. T'as pas besoin de knocker tous tes adversaires, mais si en début de carrière, t'es pas capable de passer le chaos à des jambons, ta carrière risque de pas aller très loin. Il me voit venir avec un jeu de mots de jambon, mais je le ferai pas. C'est un sport aussi, la boxe, qui nécessite beaucoup d'endurance. Essaye juste d'aller 3 minutes dans un ring, frapper continuellement sur un... Écoute, j'ai essayé du VR récemment. Ouais. Et j'ai fait à peu près 5 minutes de boxe et j'étais détruit. Ouais. Et j'ai été raqué dans le bras pendant 2 jours après. Et tu frappais dans le beurre ou tu frappais quoi? Je frappais dans le beurre. Dans le beurre, wow. Fait que, imagine. C'est ça. Puis là, les combats de championnat du monde, c'est 12 fois 3 minutes. Mm-hmm. 36 minutes, là. Wow. C'est très, très épuisant, très, très éreintant. Donc, ça nécessite beaucoup d'endurance. Peut-être qu'ils n'ont pas donné assez d'endurance, de points d'endurance. Mais encore là, il y a bien des sports qui auraient pu donner plus de points ici et là. Donc c'est subjectif quand même un petit peu. C'est ça, c'est très subjectif. Et la raison pourquoi on donne le bris d'égalité à la boxe, c'est entre toi et moi, est-ce que tu préfères aller sur un terrain de rugby, te faire plaquer, ou d'aller dans un ring de boxe et te faire frapper à la face? Volontairement. Je sais même pas, y a-t-il une bonne réponse à ça? Je prends le rugby avant de me faire fesser volontairement. Tu t'es fessé par plusieurs personnes, non? Oui, mais le but du jeu, c'est pas de frapper à la face, c'est de plaquer, oui, mais... c'est essayer de plaquer sans nécessairement de danger, alors que le but à la boxe, c'est carrément de rentrer dans le ring puis de détruire ton adversaire puis d'y passer le KO. Ouais. En sachant ça et en montant dans un ring, ça prend des coups d'acier. La limite, tu peux être pas bon au rugby et ne jamais être en contact avec personne aussi. Ouais. À la boxe, c'est plus difficile d'éviter toujours un adversaire dans un ring. Ouais. Et ça revient à est-ce que t'aimerais mieux te battre contre un canard de la grosseur d'un cheval ou 100 chevaux de la grosseur d'un canard? Ça dépend. Ça dépend. Mais bon, c'est la boxe, ça prend quand même. Ça prend du monde qui sont un peu fous dans la tête pour aller accepter de se faire frapper dans un ring de boxe. Ouais. Deuxième position, on parle du football australien. Oh oui, ça j'ai entendu parler pas mal, puis ça a l'air assez violent. Oh que oui, monsieur. Ouais. C'est un sport que je trouve très plaisant à regarder. Oui, ça je suis d'accord avec ça. C'est un sport que la première fois que j'ai regardé ça, je me suis dit, mais mon Dieu, il n'y a aucune règle dans ce jeu-là. Oui, il y en a, mais vraiment étrange. Oh oui. En fait, il y a une règle que j'ai compris. C'est si tu fais un botté et que l'autre l'attrape à plus de 20 verges de toi... c'est ce qu'appelle un marque, et donc tu peux jouer comme tu veux. Tu as une protection. Hein? C'est la seule règle que j'ai comme remarqué, parce que, bon, les règles des points aussi, évidemment, mais j'ai l'impression que c'est pratiquement un free-for-all sur le terrain. Tu peux plaquer comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas ça, mais ça a l'air de ça, et c'est complètement fou. Le terrain est sur une forme elliptique. On dirait quasiment un terrain de Quidditch, pour ceux qui connaissent plus Harry Potter que la vie. Et il y a 3 buts qu'on va appeler, il y a 4 poteaux. Donc si tu mets le ballon dans les 2 poteaux du centre, ça va valoir 6 points. Et si tu mets entre les poteaux de côté, donc les 2 buts de côté, ça va valoir 1 point chaque. Donc il y a plusieurs façons de faire des points. Et c'est un sport qui nécessite beaucoup d'endurance, parce que c'est un terrain qui est gigantesque. On court beaucoup. Et bon, je pense qu'on a une quinzaine de joueurs de chaque côté. C'est vraiment énorme comme terrain. On parle de... au moins 200 mètres de longueur, c'est par 150 mètres de largeur. Là. Okay. C'est énorme comme terrain. Ça court beaucoup, ça joue beaucoup, ça prend quand même beaucoup d'habileté technique, parce que lancer un ballon de football, c'est plus facile que frapper un ballon de football. Là. On va se le dire. Oui, il y a une technique, mais quand il faut que tu bottes un ballon de football à bonne place dans les mains de ton coéquipier pour que lui aussi ait une chance, ça prend de l'agilité pour réussir à te démarquer pour pouvoir avoir une chance de botter le ballon de manière efficace. Donc le football australien, c'est un sport qui vaut vraiment la peine. Oui, il faut que tu frappes le ballon pour faire des passes. Oui. Donc, c'est pas juste faire une passe, faut qu'il, avec le poing fermé, faut qu'il frappe le ballon. Ok, c'est comme un mélange avec du volleyball, après. Comme un service par anti de volleyball. Oh, oui, wow. Faire une passe, ouais. Mais comment ça que c'est pas plus populaire que ça? C'est juste en Australie, c'est ça? C'est très connu en Australie, ça commence à sortir, mais tu sais, des fois, c'est une question de publicisation aussi. La télé australienne commence à arriver ici. Tu sais, le football australien, j'en ai vu à RDS2 et c'est là que j'ai connu ça. Mais si on le voit pas, si on s'intéresse pas, ben des fois on en connaît plus. Les remises en jeu de la ligne de touche aussi font vraiment rire parce que le joueur est dos au jeu. Non, et l'arbitre. Ah oui, c'est l'arbitre qui est dos au jeu, il lance le ballon dans les airs. C'est comme la mariée qui lance son bouquet. Exact. What? Fait que c'est l'arbitre qui est là, il regarde pas le jeu, il est dos au jeu, il lance le ballon. Mazeltov! Le lance relativement haut, les joueurs s'empilent un par-dessus l'autre pour aller chercher le ballon. Oh, ouais. Ok, je suis impressionné. C'est complètement fou. Donc, c'est le sport qui se classe en deuxième position. Des sports les plus difficiles. Les sports les plus difficiles à pratiquer. Faut être craqué un peu aussi pour jouer au football australien. Ouais. Mais, comme je te dis, ça vaut la peine d'être vu. Je pense que ça vaut la peine d'être un sport plus connu. Ouais. Finalement, numéro 1. Le grand numéro 1. T'as-tu une autre prédiction? Ben écoute, tantôt Mathieu a dit qu'il n'y avait pas de sport aquatique. La noyade, mais, ça. Mais, non, mais peut-être que le water polo aurait pu être numéro 1. Et c'est le cas. Ouais. Ben voyons donc. Water polo numéro 1. Ben, c'est moi qui fais le point vu que j'avais dit. Bon, oui, c'est, je te le laisse, Mathieu. Merci. Je donne un demi-point à Fred puis je te donne un point. T'es fin. Donc, le water polo, c'est un sport qui est, pour l'avoir pratiqué aussi, je parle par expérience, très, très, très dur physiquement. C'est un sport qui nécessite beaucoup d'endurance. Contrairement à des sports comme le soccer, je vais revenir au soccer parce que tout le monde connaît le soccer. Ben oui. Au soccer, ben, quand t'es pas en jeu, quand t'es loin, tu marches, tu la coules douce, y a pas de problème. Water polo, même quand t'es pas impliqué dans le jeu, faut quand même que tu restes en mouvement. Tu peux pas te la couler douce parce que tu coules douce. Exactement, donc t'es tout le temps en mouvement. Fait que tant et aussi longtemps que t'es dans l'eau, ben tu te reposes pas vraiment. Tu sais, à la longue, je me suis habitué à faire du surplace. C'est putain épuisant pour moi faire du surplace. Je me repose un peu, mais ça reste que mon corps est encore en mouvement. Il ne peut pas se reposer de la même façon. Et nager, ça nécessite beaucoup d'endurance par rapport à courir. Courir, bon, c'est la pompe, là. C'est, je l'appelle la pompe à eau, là, mais le cœur, le niveau cardiaque. Mais water polo, ben pas water polo, mais la natation, oui, il y a le niveau cardiaque qui est important, mais il y a aussi l'endurance musculaire. Parce que faut que tu nages. Pour nager, quand tu tires de l'eau, tes muscles, ils s'épuisent. Et c'est du sprint constamment. Mm-hmm. Donc, c'est très épuisant. C'est quand même un sport qui est assez rapide, malgré que ce soit dans l'eau. T'as pas beaucoup de temps de réagir, là. Si l'autre, il part, faut que tu sprintes, faut que tu nages le plus rapidement possible pour essayer de le rattraper. Et des fois, la petite seconde fait qu'il y a une chance. Ça nécessite quand même beaucoup de force. Essaye de t'éjecter de l'eau sans toucher au sol. Mm-hmm. Au water polo, là, les pros sont capables de sortir jusqu'en bas de la taille. Juste en poussant l'eau. Là. Juste avec un mouvement de bras et avec un mouvement de jambe, il y a une impulsion qui se produit et le joueur est capable de sortir jusqu'à peu près au niveau de la taille. Wow. Et pour un gardien de but, c'est ça qu'il doit faire. Il est devant le filet, il touche pas dans le fond et il doit essayer de faire un arrêt en se propulsant hors de l'eau et en plongeant d'un bord ou de l'autre. C'est excessivement difficile. Et ça nécessite beaucoup d'agilité. C'est peut-être pas le sport qui nécessite le plus d'habileté technique. Oui, il faut être capable de nager. Oui, il faut être capable de lancer un ballon. Mais lancer un ballon, c'est pas la chose la plus dure. Ce qui est difficile, par contre, c'est de lancer un ballon en te propulsant de l'eau. Ça, c'est une autre paire de manches. Et niveau physique, c'est un sport qui est très physique. C'est, en fait, c'est un des sports les plus salauds qui existent. Ouais, ouais. Bon. Écoute, j'ai fait un travail de session sur le water polo. Ben voyons, pourquoi? Cette session-ci. J'ai un cours d'organisation des sports fédérés. Ah, t'es en récréo, c'est vrai. Exactement. Puis, les règlements ont extrêmement évolué pour le water polo. Avant, c'était permis de frapper et de retenir sous l'eau, de faire à peu près n'importe quoi. Avant, c'était du rugby dans l'eau, carrément. Le but, c'était de prendre le ballon et de n'importe quelle manière qu'il soit, fallait que tu apportes le ballon de l'autre côté et que tu le déposes. C'était ça les règles. Et à un moment donné, bon, là, il y a eu des noyades, il y a eu des blessures graves. Et en fait, bon, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'ils ont changé les règles avec le temps. Mais ça reste que on joue quand même dans l'eau. Tu sais, l'arbitre, il voit ma tête. Mm-hmm. Mais là, il y a beaucoup de brou dans l'eau parce qu'on bouge beaucoup puis on fait beaucoup de mouvements. Fait que quand il y a de la brou, le petit coup de poing que le gars peut te donner dans le dos, ben, l'arbitre le voit pas nécessairement. Mm-hmm. Il y a juste un arbitre. Hein. Deux arbitres. Deux de chaque côté, mais sont à l'extérieur de l'eau, ouais. Sont au-dessus. Mais avec tout le brouhaha dans l'eau, ça peut être parfois assez difficile de voir, mm-hmm. de décerner ce qui se passe. Et souvent, ils vont essayer d'interpréter et non de juger selon ce qu'ils voient. Ils interprètent ce qu'ils ont vu et se disent que c'est ça. Et des fois, donc, l'arbitrage, c'est peut-être... On dit qu'un bon arbitre va appeler 33% des vraies fautes. Ouais. Ça demanderait plus un lifeguard que d'autres choses. Il y en a. Il y en a? Oh, ils n'ont pas le choix. Là. Wow. Mais il doit y avoir des ligues genre de water polo OG, là, c'est genre original style. Il y en a plus. Il y en a plus? Il y en a plus. Même une ligue amateur, genre? Non, il y en a plus. Okay. C'était trop dangereux. Ça s'est joué en eau libre. Il y a eu des règlements que... embarquer à peu près quand tu voulais. Les gardiens étaient à l'extérieur de l'eau pendant un bout de temps. Il avait le droit de sauter. Genre le gardien était sur le bord de la piscine, ouais. Et quand le joueur arrivait, il avait le droit de sauter sur le joueur comme ça. Il avait même le droit de courir autour de la piscine avec des ciseaux dans les mains. C'est incroyable. Puis t'as des règlements aujourd'hui spécifiques comme tes ongles sont observés aussi. Faut que... Faut que tu graffines. Faut pas que tu graffines. Wow! Ça, c'est arrivé plusieurs fois qu'il y a un appel à l'arbitre. On dit l'autre équipe, il me semble qu'il graffine pas mal. Puis il allait checker les ongles de tous les joueurs. Pour matcher avec les... Puis là, tu vois qu'il y a du monde qui sont en pic, là. Comme... Puis aussi, j'ai fait des tournois extérieurs. Il y avait des règles spécifiques à ces tournois-là où... fallait que ta crème solaire ne soit pas huilée. Ah, wow! Pour pas que ça glisse sur le dos du monde quand tu la touches. Exactement. Ouais. Ben, voyons donc. Hey, c'est... Là, rendu là, ça doit prendre une brique de règlement. Là. Faut que tu penses à tout ce qui peut arriver. Ah, mais tes poils d'en face, tu me frôles de la joue, tu sais. Je vais te dire, il y a plus de règlements au baseball qu'en au water polo pareil. OK. Baseball, c'est ridicule le nombre de règlements qu'il peut avoir parce que il y a un règlement pour toutes les situations et pour toutes les exceptions à cette situation-là. Et si telle affaire arrive, c'est ça. Mais si telle situation est présente... Ouais. C'est clair que la durée de l'histoire du baseball, j'imagine, ça fait tellement longtemps que ça existe. C'est pas juste que ça. Il y a tellement de situations différentes qui peuvent arriver au baseball par rapport au water polo qu'il y a des règlements pour tout. Par exemple, le règlement de chandelle intérieure, ben ça s'applique dans telle situation, mais si c'est telle situation, parce qu'il y a eu de l'abus par le passé, il y a du monde qui faisait exprès de laisser tomber une balle facilement attrapable, mm-hmm. pour effectuer un retrait. Tu sais, il y a plusieurs règlements qui se sont adaptés au fil du temps. Mm-hmm. Si on continue... On continue sur un autre sujet? Oui, on va faire une pause avant. Donc, une mi-temps. Oui! En sport, c'est en track, on regarde Frédéric danser avec des pom-poms, puis on vient après rester là. We'll be right back. Holy avec la pièce Night on Earth. Assemblage requis en ce mercredi matin, milieu de semaine. Il nous reste quoi? Une émission et un tiers. Assemblage requis. Aujourd'hui, pour remplacer Tania Baudin, on a Marc-Olivier Dumas, entre autres Matière Noire, Félix Simon aussi de Matière Noire, les deux qui présentement prennent une pause pour l'été, malheureusement pour nous, les auditeurs. Mais pour l'instant, pour continuer cette émission-là, on y va avec une deuxième partie, deuxième mi-temps de Sport et Filoché. Ouf! Ouf! J'espère être encore d'énergie. Ouais, ouais! La fake énergie de radio, mettons. Deuxième mi-temps, tantôt on a parlé des sports les plus difficiles, les plus durs, mais là on va parler entre autres dans cette deuxième mi-temps de sports électroniques, entre autres. Oui, mais avant je voulais parler de sports bizarres, qui ont déjà été aux Jeux Olympiques. Oh. Et il y en a plusieurs. Premièrement, un sport où le Canada a déjà remporté une médaille d'or, c'est la nage synchronisée solo. Ok, ben tu te synchronises avec quoi, de la musique? Ouais, à peu près. Ouais, pas mal ça. Avec l'eau. C'est ça, tu sais. Je veux dire, l'aspect de nage synchronisée disparaît quand tu dis le mot solo. Solo. Ouais. Tu sais, l'argument du monde qui disent que oui, ça a lieu d'être, tu sais, le fait que oui, il faut que tu te synchronises tes mouvements avec la musique, mais ça reste que t'es synchronisé avec rien partout. Ben, c'est ça, c'est comme je vais te commander un repas déjeuner du travailleur, mais je vais prendre juste une saucisse. C'est une danse aquatique. C'est même. Ça. Oui, c'est ça. Tu sais, appelle le sport danse aquatique. Oui. C'est une chose. Mais là, ce qui est risible, c'est de la façon qu'on l'appelle. Nage synchronisée solo. Sans le synchronisme. Il aurait utilisé ça dans le nom. C'est ça. Ouais. Nage non synchronisée solo. Ça me rappelle le nom du tournoi d'improvisation qu'il y a à Trois-Rivières à chaque année. C'est les gens de la LIM, la Ligue d'improvisation mauricienne. Ça s'appelle le Tipeee, qui est le tournoi d'impro, pas d'impro. C'est du oui. Baseball. C'est parfait, tu sais. Tournoi d'impro, pas d'impro. Donc, second sport assez bizarre qui a eu lieu à travers le temps, c'est le ski ballet. Pardon? Le ski ballet. Tes skis sont remplacés par un balai ou tu non. fais le ménage en même temps que tu dessines pente? C'est comme du patinage artistique, mais en ski. OK. Donc, tu fais des figures de style. Exactement. D'accord. Tu fais des sauts, tu fais des doubles boucles piquées. Ouais. Mais en ski. Oh, wow. Donc, tu utilises tes pôles pour faire des mouvements et tout ça. Est-ce que tes pôles ont des petits, tu sais, les petits trucs de tissu, de ruban? Là? Non. Ça pourrait être drôle. Pourrait être drôle. Non, mais quand même, c'est un sport qui est... somme toute bizarre. C'est original. C'est assez original et bon, le sport se déroulait sur une petite pente qui descend. Le but étant que le skieur soit capable quand même de faire se laisser aller. Ouais. Mais là, Wilfred, on regarde une vidéo, là, mais tu sais, c'est quand même impressionnant. Il était quand même capable de sauter, mais ça reste un sport qui est assez bizarre. Ben, moi, j'aurais fait, premièrement, le contraire aussi. J'aurais fait danser du monde avec des skis, mais sur juste une surface plane. Tu danses avec tes skis, c'est le contraire. Ben, c'est une semi-surface plane. Là. C'est comme la petite pente de pratique que tu retrouves dans chaque montagne. Ouais. C'est pas plus épique que ça, là. Même moins abrupt que ça. Là. C'est vraiment fait pour pouvoir faire du ski... Ouais. Du ski balai. C'est ça. Ensuite, un autre ski... ski. Ben oui, c'est une forme de ski, mais un autre sport bizarre, c'est le ski-joring. Ski-joring? Oui, ski-joring, c'est un sport norvégien. C'est un peu comme faire du ski nautique. Mm-hmm. Mais à place d'être nautique, c'est sur de la neige. Dans ce sens que t'es tiré par quelqu'un. T'es tiré par un cheval. Par un... Ah, ou une motoneige, dépendamment. Ben oui, ben oui. Mais t'es tiré et ton but, c'est de prendre des sauts et de faire des figures. De pas avoir le contrôle sur comment tu vas te tasser sur le terrain. J'imagine que le cheval a sa propre façon de descendre la côte. Ben, il y a quand même un cavalier dessus qui va guider le cheval. Il y a un jockey. Ben, il y a un jockey, La façon que je vois ça, c'est selon l'image, là, on dirait que c'est quasiment des courses de char, mais que au lieu d'être dans un char, t'es en ski. Ok. Tu contrôles ton cheval. Wow. Aux Jeux Olympiques, ça. C'est okay. Ça. Donc, le skieur était attaché par un harnais et était attaché à un cheval. Et il faisait une course à travers. C'est assez bizarre. C'est un sport qui provient des pays scandinaves. C'est ça, mais c'est un vrai sport qui existait. Donc, ça n'a pas été inventé pour les Olympiques. Non, non, non. C'est un sport qui existait. Et c'est un sport qui était en démonstration plusieurs fois et qui était une épreuve réelle aussi. Okay. Ensuite, un autre sport bizarre, c'est... oh mon Dieu! Je sais pas comment le traduire, mais c'est... Ben, c'est... De l'acrobatie sur cheval. Horse vaulting. OK, donc tu te lèves debout sur le cheval puis tu fais des affaires? Ben, tu fais un peu comme Cavalia, mais le cheval, il fait rien. Ouais. Tu fais juste danser sur le cheval. C'est l'épreuve de cheval en gymnastique. Ouais. Ben, c'est sur un vrai avec cheval. Un vrai cheval. OK. C'est ça. De faire des petites pauses, là, est-ce que tu sautes dans les airs, tout ça, puis tu atterris avec les pieds sur le dos du cheval? Pas vraiment, là, c'est vraiment l'épreuve du cheval d'arçon, puis que tu dois, mais tu sais. Parce que le cheval d'arçon doit être inspiré des vrais chevaux. Probablement, c'est oui. C'est ça, c'est pas le contraire, OK. Probablement, et bon, c'est une vraie compétition là-dessus, mais ça reste quand même, tu sais, t'as un vrai cheval qui est en mouvement et tu dois... rester en contrôle tout le temps, parce que le cheval d'arçon il bouge pas, là. Tu peux faire les formes que tu veux, tu peux bouger comme tu veux. Là, faut pas que tu oublies que t'es un être vivant. C'est ça. Ça passerait jamais de nos jours justement à cause du traitement des animaux. Ben, il y en a encore des compétitions dans ça. Donc. Oh, ouais. Mais tant que le cheval est pas maltraité, je vois pas. Ben ouais, mais son consentement, lui, par contre. Est-ce, ah, ben que, est-ce qu'il a dit oui à ça? Y a-tu tape trois fois du sabot? Je veux dire, c'est pas une corrida non plus, là. Non. Où les taureaux sont vraiment maltraités. Ouais. Ensuite, autre sport bizarre, c'est la natation, mais sous l'eau. Genre une course de... La natation, tu fais ça d'habitude au-dessus de l'eau, c'est ça, toi? Non, mais non, l'épreuve, c'est plunge for distance, qu'ils disent en anglais. Dans le fond, il fallait que tu ailles sous l'eau et que tu te rendes le plus loin possible. OK, c'est comme un saut en longueur d'eau. Genre... Ben, il faut que tu retiennes ton souffle. Ouais. T'es là, puis t'essaies de faire le plus de distance possible sans respirer. Ah ben... Si je lis comme faut, là, ça demandait à ce qu'il saute de la plateforme de départ et qu'il voyage le plus loin possible en 60 secondes. En 60 secondes, OK. Sans bouger. Sans bouger. Donc, tu pouvais pas... C'est vraiment ton effet d'entraînement, c'est ça. C'est vraiment ton impulsion de départ et là, tu restes ta sans bouger, tu fais dynamique. Une planche. Ouais, c'est et ça. Et le but, c'est de se raser rendre... de partout. Puis Fait que oui, c'est un peu... C'est une épreuve... Un peu le saut en longueur. Ouais. Saut grenu aussi. Il faut que tu gardes ta respiration et que tu te laisses traîner et espérer d'avoir un bon moyen de flottaison. Parce c'est que ça. C'est wish for the best. C'est la planche pendant 60 ans. Oui. Oui. Et bon, la médaille d'or avait été remportée avec une distance totale de 19,05 mètres. Mais comment comparer ça? Parce qu'on n'a jamais vu aucune compétition de ça. Ça a l'air beau. Ben, la première position, c'est 19.5, deuxième 17.53, quand même un mètre et demi de plus. Ouais. Et troisième 17.37. Assez bizarre. Autre sport, quelque peu bizarre, j'appelle pas ça un sport, mais le croquet a déjà été aux Jeux Olympiques. Le croquet. Le croquet. On parle des petites boules avec les petites arches puis les petits bâtons. Là. Exactement, d'accord. Le croquet, mon cher. Et donc, il y avait du des coups. Du coup, ils jouaient au croquet, quoi. Et oui. On rit pas de vous, on rit avec vous. En fait, ça va revenir au point sur les e-sports. Est-ce que c'est vraiment un sport, le croquet? Je sais pas. Mais c'est très bizarre. Ouais. Genre de sport qui est aux Olympiques. Ouais, c'est lent, un peu, non? Oui, et ça devait être... Tu sais, les commentateurs doivent être dans le même genre que le golf. Ouais, c'est bien, ça. Voilà, le français, il s'élance. Oh, tout un coup... Oh non, il a touché le poteau, ça ne compte pas. Mais attends, là, t'as-tu déjà entendu du mini-pot à la télé? Birdie! Et remporte la bourse de 300 $. Carl Carmoni. Il va être à Victoriaville fin de semaine prochaine. Ah oui. Si ça vous tente, et ça a l'air que Serge Lemix aussi. Oh. Serge qui? Celui, le commentateur qui disait Birdie! Carl Carmoni, meneur aux bourses, 1991. C'est excellent. Il n'y a plus ça, hein? Faudrait un RDS3 pour ça. Peut-être 7-8. 7-8. Autre chose. Je te ramènerai sur RDS1, là, à la place de présenter les vieilles games de hockey. Ah non, mais sérieusement, c'est leur seul. Dans ton truc des sports les plus durs, tantôt, t'aurais dû mettre commentateur ou animateur à RDS qui a juste du hockey. C'est plate. Elle varie un peu ton baril. En tout cas, fait quoi? Non, c'est vrai. Oui, c'était mon inspiration. Sport extrême, commentateur de mini-pot, rendre ça intéressant, c'est vraiment dur et chapeau. Donc, un autre sport quelque peu bizarre qui était aux Olympiques, c'est le grimper à la corde. Ah ouais, OK. Fallait grimper à une corde et, avec vitesse et style, donc il y avait les deux compétitions. Okay. Puis, est-ce que t'étais noté sur le frottement que ça faisait sur tes cuisses? les marques que ça laissait? Ça, je trouve ça drôle parce que dans les films américains, on voit souvent ça dans les cours d'éducation physique. C'est vrai, genre qu'il y a des cordes qui pendent du plafond du gymnase. Il me semble que j'avais ça au secondaire. Ouais, moi j'avais ça au primaire à le faire. En tout cas, moi, j'ai pas... Non. Ben, tu sais, il y avait comme les espèces d'assemblages sur le mur qui pouvaient comme se déplier dans le gymnase d'école primaire, par exemple. Et oui, il y avait là une ou deux cordes. Mais là, on dirait que ça pend du plafond du gymnase en plein milieu. Puis là, il y a tout le temps le prof d'éduc un peu moche. Avec les petites shorts. C'est ça, qui fait la démonstration. Là, on voit beaucoup trop ses fesses, c'est ça. Ouais. Mais moi, j'ai eu à le faire, puis j'étais pas capable de monter. C'est très dur quand même physiquement monter une corde de même. J'étais pas capable de faire de l'escalade, puis il y avait des prises pour les mains et les pieds. C'est très difficile grimper une corde sans rien pour t'attacher. Grimper en général. Mais ça reste quand même un sport qui est quelque peu bizarre. Et tant qu'à parler de corde, un autre sport très bizarre qu'il y avait, c'est le suc à la corde. Ah! Aux Olympiques! Aux Olympiques! Okay. Il y avait des compétitions de... ce qu'on appelle en anglais le tug of war, le suc à la corde. Parce que si t'as le suc à la corde, faudrait que t'aies genre en compétition de manger des hot dogs aussi, puis les deux jambes attachées avec les trucs de foire familiale. Là, dans une poche de patates. Dans une poche de patates. Tout ensemble. La kermesse olympique 2022. Oh yeah! Ah non, mais c'est un sport que quand tu vois ça, tu fais comme, mais voyons donc, mais à quoi il pensait? Pas. Mais même, ça reste quand même assez impressionnant de regarder ça. Si tu regardes des compétitions sur YouTube, parce que oui, il y en a. Ouais, il y a tout sur YouTube. Mais c'est intéressant à voir c'est comment qu'ils forcent. Je pense pas que ça se place dans le mouvement olympique, mais ça reste quand même un sport intéressant, bizarre certes, mais intéressant, une compétition quand même là. Tu sais, tu vois les beefs qui essayent de tirer chacun de leur bord, puis là t'en as une gang qui se ramasse dans le bout. Est-ce qu'il y avait genre quelque chose d'original ou c'était vraiment juste le classique sous calacard? Il y avait pas genre des crocodiles dans un marais entre les deux? Non, c'est juste le classique. Non, ouais. On n'est pas au X-Game. Ça aurait été cool. X-Game Tug of War. Ah ouais. Autre sport bizarre, on parle maintenant de cycliste, c'est le tandem cycliste. Ah, sur un petit vélo à deux? Ouais! Okay. Ça fait un petit peu... pas très... ça fait balade du dimanche plus que Jeux olympiques. Et voilà, c'est ça. Ça devait être assez bizarre, une course dans un vélodrome en tandem. Tu sais, moi, mettons, tu m'amènerais, genre, si tu m'amenais, un sport comme, je sais pas, la trottinette extrême. Tu sais, genre de faire des passes de trots, là. Ça, je trouverais ça cool. Passe de trots. C'est-tu ce qui est drôle, c'est que ce sport-là n'est peut-être plus aux Olympiques, mais maintenant rendu aux Paralympiques. Ah, OK. Ils ont compris que ça prenait un petit déficience mentale pour faire Marc-Olivier, alors tiens-toi. C'est juste ma job de torture, ça, c'est en tant que tel. Mais non, parce que j'imagine que c'est quelqu'un qui guide la personne qui est à la main. Oui, probablement. En fait, ça doit être un aveugle qui est souvent dessus. Et bon, t'as le guide qui est là avec pour... Plus difficile avec les trots, hein. À deux. À deux, ça drop. Faut que tu t'aimes pour sauter en plus. C'est ça. Autre sport, devrais-je dire, c'est pas du sport, mais il y a déjà eu des compétitions d'art aux Olympiques. J'ai entendu dire ça, au début, c'était des affaires d'art, Compétition d'architecture, de littérature, de musique, de peinture et de sculpture. Et est-ce que tu fais ça devant public? Écrire un livre, dire des poèmes devant public? Peut-être. C'est le temps est long. J'aurais pas acheté de billets pour ça. Non. C'était pas aussi populaire, je pense, au début non plus. Hein. Il y a une raison pourquoi c'est plus là. Hein. Ouais. Mais c'est vraiment dans le mouvement olympique grec qu'il y avait ça. Il y avait les Jeux olympiques qui étaient sportifs, mais il y avait quatre autres formes de jeux aussi qui étaient il y avait des jeux plus artistiques et des jeux qui dépendaient. Je trouve ça quand même intéressant parce que sur le site, c'est marqué ça a eu lieu ça de entre 1912 et 1948. Mm-hmm. Oh, c'est long quand même. Ça, oui, ça a été là plus longtemps que je croyais. Et ils ont enlevé comme du compte total des médailles toutes les médailles qui avaient été remportées dans ces compétitions. Rétroactivement, ça compte plus. C'est ça. Ah, wow. Ils ont jugé que c'était pas des sports au final et que ça comptait pas. Mais je trouve ça quand même plate parce que même si c'est pas un sport au sens propre, est-ce que les Olympiques, ça ne dépasse pas justement la question sport? Est-ce que on veut juste des sports? Ben, c'est ça qui est intéressant. Mmh. Oui, mais pourquoi pas des jeux justement comme ça? Je trouve ça intéressant. Ouais. C'est une idée qui est intéressante. Bizarre, certes, aussi, mais ça reste quand même une idée qui était intéressant. Ouais. Puis tu sais, techniquement, ça faisait partie des Olympiques. Il y avait des pays qui étaient plus forts en jeux artistiques, donc moi, je leur aurais laissé les médailles. C'est ça. Tu sais, voir plusieurs peintres essayer de peindre... mettons, tu leur donnes une nature morte et on leur donne deux jours pour peindre la toile, par exemple. Et bon, c'est là que c'est peut-être plus subjectif au niveau des résultats. Ben, il y a beaucoup de sports qui sont subjectifs aussi. Oui, ben c'est ça. T'sais, la nage synchronisée, c'est des juges. Le plongeon, c'est des juges. Gymnastique, des trucs comme ça. Ça reste quand même que ça aurait pu être de quoi d'intéressant. Avec la démarche artistique en arrière, il y avait de quoi d'intéressant. Mais je leur aurais laissé juste un petit 10 minutes. Deux jours, comment? Ben là, peinturer une toile. Tu retournes chez vous, tu triches. Hein? Peinturer une toile quand même. Ouais, je sais. Et finalement, le dernier sport, c'est le saut en longueur et le saut en hauteur sans élan. T'sais, et en comme... même temps, non. Tu sais, comme quand on faisait là, au primaire, là, t'sais, t'avais les différentes activités athlétiques, puis là, t'en avais un, fallait que tu sautes le plus loin possible sans élan, là, que t'essayes juste sur place de te donner le plus gros swing puis sauter le plus long. Ben, il y avait cette épreuve-là. Wow! OK, ouais. Je trouve ça... Le saut en longueur, c'est une chose, mais je trouve que la course d'élan pour le saut en hauteur est vraiment spéciale. Oui. Les athlètes ont une espèce de motion vraiment spécifique pour ce type de saut-là. Ah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais c'est ça, parce qu'ils courent d'abord en ligne droite, après ça, ils se mettent de côté pour pouvoir sauter de façon à se retourner le dos et sauter le dos premier. C'est une technique qui a permis d'aller chercher beaucoup plus de hauteur que quand il sautait par en avant. Mais c'est quoi? C'est plus de 3 mètres, je crois. Quelque chose... Le record du en hauteur, monde, c'est haut longtemps. C'est haut, là. Puis tu sais, tout le corps a passé par-dessus ça. Ouais, puis t'as pas touché à la barre. Là. Il peut le toucher. C'est peut tant toucher? Que okay, la barre tombe pas. OK. Mais c'est 2,45 mètres, le record. Quand même, 2,5 mètres, comment? Mais ça reste quand même... un très haut saut, là, 2,5 mètres, là. Je veux dire, tu sautes par-dessus moi. Oui. Tu sais, le gars, il arrive, il saute facile par-dessus moi. Facile, là. Ouais, c'est... Tu sais, il a un bon pied et demi, là, par-dessus moi. Mm. Là, mais ça reste très impressionnant. Et bon, c'est comme le saut à la perche qui est au-dessus de 6 mètres. Tu donnes un élan avec une perche, puis... Mm. Mais c'est ça, c'est tant que la barre tombe pas. La barre est hyper sensible, mais tu pourrais la frôler et ça pourrait être bon. Au même titre que si t'arrives, tu sautes, tu passes par-dessus, puis tu soufflerais sur la barre et tomberais, même si tu n'as pas touché, faut que tu touches de la bonne façon. Mais t'as parlé du fait que c'était original aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui était original dans le dernier? C'est le saut comment? C'était sans élan. Sans élan, juste en longueur. Ou en hauteur. Ou en hauteur, juste en sautant. Avec la propulsion que tu peux te donner toi-même. Ta propre impulsion, finalement. Comme saute mouton. Pas mal ça. Juste sur le mouton. Eh ben. À peu près. Donc voilà pour les Jeux Olympiques, c'est ça? Oui! Il nous restait à parler de sport électronique. Sport électronique qui vont d'ailleurs être en démonstration, si je me trompe pas, à Tokyo en 2020. 2020, oui. C'est-tu en démonstration ou va être une épreuve à part? Non, c'est pas une épreuve officielle, donc ils vont être en démonstration. Mais la question est-ce que le e-sport est un sport? On essaie de me convaincre souvent que c'en était un de différentes façons, puis ça avait l'air assez legit, là. Mais on dirait que dans ma tête, ma philosophie me permet pas de dire que c'est un sport. Ben, en fait, ça dépend juste. C'est quoi ta définition de sport? Pour certains, le bridge et les échecs sont un sport. Tu sais? Les échecs, le poker aussi. Ben, ça joue à RDS, mais ça veut pas dire que c'est un sport. Réseau des sports au sens large devrait être leur nouveau nom, donc RDS ASL. Donc, à mon avis. Les échecs, c'est pas un sport, excuse-moi. Non, okay. Ouais, non. Si on va régler la question tout de suite, les échecs, c'est pas un sport. Le bridge et le poker, encore moins. Le e-sport n'est pas un sport non plus. C'est pas une activité physique. Ça rentre dans la catégorie d'échec, à mon avis. C'est une activité mentale. Ouais. Ça prend beaucoup de sacrifices. Je suis d'accord, comme les échecs. L'entraînement et tout. Ça prend l'entraînement, tout ça. Mais il y a pas la journée que le e-sport va être complètement en réalité virtuelle où il va falloir que tu cours aussi. Oui, jouer à boxe comme Fred a fait. Dans le genre. Ou tu sais, mettons, tu joues à CSGO et il faut que tu cours et que tu contrôles. Peut-être que cette journée-là, je vais raviser ma position. Mais peser ses pitons. Mais tant que longtemps que tu contrôles ta manette ou ta souris, ton keyboard. Tu sais, c'est pas qu'on vous respecte pas. Au contraire, c'est bien cool comme. Mais c'est pas un sport. Hein? Non. Tu t'entraînes, mettons, pendant des années, ok? Oui, parfait. Oui, tu sues pendant que tu joues. Hein? Ben, sors ton Gatorade, puis c'est correct. Faut que tu t'achètes peut-être des équipements, comme au sport. Ouais, mais tu pourrais aussi t'acheter des équipements pour aller couper des cheveux, puis ça fait pas de ça un sport. Mm-hmm. Tu pourrais continuer longtemps. Mais c'est ça. Oui, mais il y a comme tous les aspects entourant comme l'activité qui peuvent être considérées. Le végétariat, les commandites, non? Ben oui, il y a des trucs pour la nutrition est importante. Mm-hmm. Faut que tu dormes bien aussi avant tes compétitions. Mais aussi les habiletés requises. Oui. Parce que ça, d'une part, c'est impressionnant, mais on parle que les gamers professionnels peuvent faire environ jusqu'à 300 actions par minute. Dans des sports comme StarCraft. Ouais, mais tu sais, je pourrais faire 300 mouvements en minute en cliquant mon stylo aussi, ça. Essaye. Je vais prendre le bon bord. Okay, on parle de 300 actions significatives. Ok, qui donnent quelque chose. Oui. Ben, elles sont pas toujours significatives, mais quand même, ça reste 300, là. C'est impressionnant, là. Si tu regardes vraiment un joueur professionnel de StarCraft, avec toutes ces. Toutes ces touches qui sont mappées sur son keyboard, où il fait juste toucher puis il se déplace ultra rapidement. Et c'est la connaissance du jeu parfaitement. Mm-hmm. C'est très impressionnant, certes. Ça demande des habiletés, certes. Mais ça en demande dans d'autres activités qu'on ne considère pas un sport. Mais tu sais, je suis d'accord. Par exemple, un musicien qui va faire comme 300 notes dans une minute, va demander les mêmes, dans le fond, les mêmes habiletés, la même connaissance de ton instrument et tout ça. Donc, puis c'est pas plus un sport pour autant. C'est plus impressionnant. Ben oui, ça dépend des goûts. Ben on va dire, c'est quand même subjectif. Je suis d'accord. Écoute, la demande physique est pas la même, même si t'as nécessairement besoin d'un entraînement pour garder la même intensité. Ça paraît pas comme ça, mais les joueurs professionnels ont besoin de s'entraîner pour les compétitions. Oui, puis ça, j'enlèverai rien à ça. C'est pas ça le but ce matin, c'est pas de démoniser ce qu'on appelle le e-sport. Regarde, qui garde le terme e-sport, c'est correct, mais c'est pas un sport à mon avis. Mais faut qu'il se pratique, au même titre qu'un athlète professionnel va se pratiquer. Et un joueur d'échecs aussi doit continuellement jouer. S'il veut rester au sommet de son art, il a pas le choix de continuer à jouer et à jouer à jouer. Les meilleurs joueurs de poker au monde, ils jouent constamment, ils jouent des 7-8 tables en même temps à tous les soirs sur leur ordinateur. Et des fois, ils sont 3 fois sur la même table pour s'aider un petit peu. Là. C'est pas tout le temps juste. Là. Fait que s'il y a quelqu'un qui écoute et qui a envie de jouer au poker pour gagner de l'argent sur Internet, comprenez que les chances sont pas de votre bord parce que il y a probablement le même joueur 3 fois sur la table, mais qui se passe avec 3 alliances différentes. Oh, wow, je fais pas ça. Par contre, un aspect intéressant du e-sport, c'est justement l'aspect spectacle qui est intéressant. Je pense entre autres aux compétitions live, exemple dans les événements comme le DreamHack ou les LAN, en fait tous les événements à grande envergure qui sont diffusés parfois sur la télévision ou rediffusés sur Internet. C'est l'engouement pour ces événements-là est incroyable. Ouais, et l'argent qui peut être gagné aussi, c'est des... Par exemple, les bourses pour Dota 2, c'était pour l'équipe gagnante, c'était 2 millions de dollars pour le championnat du monde de Dota 2. C'est plus que pour certains événements sportifs, on s'entend. Puis, il y a les foules aux événements même qui sont déchaînées complètement. On en a vu, Marc-Olivier puis moi, par exemple pour DreamHack, pour Rocket League, mais aussi pour StarCraft, pour League of Legends. Le monde crie et l'intensité est au rendez-vous. Vraiment, il y a quelque chose de spécial avec le e-sports. Ben c'est sûr. Est-ce que vous pensez que ça devrait changer de nom? C'est pas un sport. Comment est-ce que vous appelleriez ça? Je pense que rendu là, il est trop tard de toute façon pour changer de nom. Le terme est rendu ancré dans le monde. c'est la seule affaire, c'est, je veux pas qu'on dise que c'est un sport, qu'on dise e-sport, tu sais, ça met déjà la nuance, mais je pense pas, je pense qu'il est trop tard pour changer de nom, je pense que c'est ancré. Ça me rappelle un petit peu, genre, si on dit que ça c'est un sport, moi je dirais quasiment que Jeopardy est un sport, parce qu'il faut que tu t'entraînes sur tes connaissances générales, puis que tu sois assez rapide sur le buzzer, puis que tu répondes en forme de question. Mais, tiens. Hey, puis je voulais juste amener une petite spécification sur le point de Fred, là, le prize pool. Le plus gros prize pool jamais offert, c'est l'année dernière à Dota 2, c'était 24 687 919 $ qui étaient partagés. US, qui était partagé en 18 équipes, avec l'équipe gagnante, bien entendu, qui gagnait le plus grosse partie. Mais c'était 24 millions de $, 24 millions et demi qui étaient en jeu. Ah, ils font la pièce avec ça. Mais ça, c'est Dota. Dota a vraiment des niveaux plus élevés. Quand on parle de 24 millions, le plus proche poursuivant, présentement, c'est League of Legends avec 5 millions. C'est même pas proche, ça. Non, c'est le cinquième de la bourse. Ça me surprend parce que ensuite il y a Smite qui est comme en 14e position, un jeu qui est quand même moins connu, mais qui est très semblable à Dota 2. Mais ensuite, c'est Halo, avec 2,5 millions. On revient à League of Legends. Call of Duty se place en 19e position avec 2 millions en bourse. Counter-Strike Global Offensive qui est à 1,5 millions. Tu sais, il y a quand même des bourses qui sont plus qu'intéressantes. Là. C'est assez impressionnant les montants qui peuvent se gagner. Bon, dans la majorité des cas, c'est quand même... Tu sais, c'est somme toute nouveau. Là. Je veux dire, le e-sport débute quand même. Là. Mm-hmm. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a plusieurs éléments. Tu sais, les clubs, ils changent beaucoup présentement. Et moi, je suis quand même beaucoup Rocket League. Et on l'a vu, en plein milieu d'une saison, il y a une équipe qui a changé... Il y a deux équipes qui ont changé de nom. Tu sais, l'équipe commence sous un nom, puis du jour au lendemain, c'est plus la même équipe. Je suis comme, ah, OK. Les mêmes gens, mais pas le même nom. C'est ça. Okay. Ils ont changé de nom d'équipe, puis tu fais comme, mais OK. Pour ceux qui seraient tentés de se lancer dans le e-sport parce qu'ils font comme, wow, je veux gagner ces bourses-là, d'une part, bonne chance. Ouais. Parce que c'est, hein. Il y a beaucoup de monde qui joue. Il y a beaucoup de monde qui joue, et c'est du monde d'exception qui se rend là. Mais effectivement, ces gens d'exception-là, sont effectivement très bien payés. Je pense, fait déjà quelques années, mais un joueur qu'on avait qui s'appelait T-Squared, qui jouait à Halo 2, qui a joué à Halo 3 par la suite, faisait environ 300 000 $ seulement en commandite dans son année. OK. Donc, sans avoir joué. Là, c'est ça. Sans avoir joué. Là. Ça, ces bourses-là, c'est important à spécifier, c'est juste pour un tournoi. Mm-hmm. Les gars, souvent, et filles, qui participent à ce genre de compétition-là ont souvent des chaînes Twitch ou des chaînes de streaming. Ils reçoivent des dons en plus. C'est ça, qui vont aller chercher beaucoup de dons. Ils vont avoir les plus gros chaînes Twitch qui ont des milliers de subscribers. Et bon, chaque subscribe est 5 $ par mois, ouais, séparé moitié-moitié entre Twitch et le streamer. Mm-hmm. Mais si tu as, par exemple, 50 000 subscribers, ça te fait... 125 000 $ par mois. US. Seulement continuer de streamer. Ouais. Pour t'encourager. Puis ça, c'est... t'as pas encore les bits, puis t'as pas encore les donations qui sont rentrées dans ce calcul-là. Wow. Ça, t'as pas encore eu ta télé-réalité à Drac TV comme Stéphanie Harvey. En effet. mais bon. C'est de même, hein. Bon mais succès. C'est ça. C'est un monde qui est complètement fou, qui est en train de grandir. Va continuer à grandir. Là, la question, on pourrait amener une autre question. Est-ce que le speedrunning fait partie du e-sport ou pas? Écoute, pour... Moi, je pense que oui. Ben oui, je suis complètement d'accord avec toi. L'aspect compétitif est pas aussi présent parce que c'est souvent la personne contre le jeu. Ouais. Contre ton propre record. Il peut avoir des courses, par exemple. Ça, c'est intéressant aussi. Il y a des tournois, il y a des courses, mais la communauté speedrunning est pas dans une mentalité compétition. Oui, il y a l'aspect compétition. On veut le record du monde, mais dans la majorité des cas, les communautés vont s'aider beaucoup et vont se donner des trucs. World Record Holder, je vais l'appeler comme ça, celui qui détient le record du monde, souvent va être prêt à aider des nouveaux runners, des nouvelles personnes qui veulent prendre le jeu, en leur donnant certains trucs, en les coachant un petit peu, en leur disant, ben, regarde telle affaire, c'est ça, pour faire cette fix-là, c'est ça. On va s'aider beaucoup, on va donner beaucoup de guides, beaucoup de matériel au monde pour essayer. Donc, il y a un aspect compétitif, certes, parce qu'on veut, tu sais, tout le monde aimerait ça avoir le record du monde, mais il y a un aspect très amical. On tente de s'aider entre nous, on tente de se donner des trucs ici et là pour pouvoir améliorer. Parce que le but reste de faire les jeux le plus rapidement possible, et si c'est seulement qu'une personne qui détient toutes les réponses pour un jeu, à ce moment-là, c'est un peu plate parce que le jeu devient comme mort en termes de speedrunning. Ouais. Donc, le fait qu'on puisse partager les trucs, qu'on se challenge entre nous, mais ça reste super dans le fond. Amical, même si ça a un aspect compétitif. Parce que c'est ça, comme Fred l'a dit, le but final, c'est d'arriver à optimiser le jeu au complet. Mm-hmm. C'est sûr qu'on aimerait ça être la personne qui détient le record du monde optimisé, mais le but final, c'est d'être capable de faire, de battre le jeu le plus rapidement possible et que rien qu'on puisse faire le plus rapide. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des TAS, des Tool Assisted Speedrun, qui montre de quoi, et que le but final souvent de tous les speedrunners, c'est d'être capable de faire ce qui se fantasse et souvent, de parfois le battre. Parce que c'est arrivé par exemple à Super Mario Bros 3 où le jeu a été fait en Tool Assisted. Ça veut dire que tu peux arrêter le jeu et reprendre ce que tu viens juste de faire pour l'optimiser le plus possible. C'est ça, à oui, chaque dans le fond tu peux l'arrêter frame par frame pour rentrer tes inputs, et donc après ça tu laisses aller le jeu et il va reproduire ce que tu as entré comme code. Fait que techniquement c'est toi qui l'a fait, mais c'est pas il y a vraiment plusieurs façons de le faire. Tu peux le faire frame par frame, tu peux le faire avec des save states, tu peux le faire au ralenti, il y a plusieurs façons. Dans le fond, le tool assisted, ça le dit là, c'est assisté par différents outils. Ça peut être comme dit Fred, où tu rentres frame par frame les inputs, ou ça peut être ou ça peut être avec des save states que tu reprends jusqu'à temps que ça soit parfaitement optimisé. Quand je disais l'expérience avec Super Mario Bros 3, on avait fait un temps d'à peu près 11 minutes et le temps a été battu plusieurs fois par des humains live en un seul coup. C'est ça. Là, donc il est rendu autour de 10 minutes 50 et encore plus bas. Mais c'est dans ce temps-là, on dit que le TAS n'est pas à jour. Ouais, c'est oui, ça. Il y a mieux à faire avec le TAS, c'est ça. C'est ça. Habituellement, le TAS va toujours être plus bas. C'est pas normal que le TAS soit. Ouais, ben justement, la nouvelle est sortie dans les médias récemment par rapport au gars qui avait fait King of Kong, le film là, qui avait battu Donkey Kong aux arcades. Quelqu'un a prouvé sur un forum que c'était physiquement impossible qu'il ait réussi à faire ça lui-même. Billy Mitchell, puis l'autre qui avait le record du monde. Billy Mitchell, c'est le vrai, ça. L'autre, c'est comment son nom? Todd Rogers, je pense. Pour Dragster. Ouais. C'est deux tricheurs qui se sont fait coincer récemment. Ah, c'est vraiment Billy Mitchell, t'as raison. Billy Mitchell et Todd Rogers se sont fait pincer récemment avec des faux records du monde se sont fait bannir. Eh oui. De Twin Galaxy que personne regarde. Mais. Non, mais c'est eux qui tiennent le livre, le grand livre des records de Donkey Kong, Twin Galaxy. Oui, ben c'est ça. Twin Galaxy, il y a une petite page speedrun, mais on s'en fiche carrément. Là, c'est la référence en matière de speedrun, c'est speedrun.com. Littéralement, là, ça le dit dans le nom. Et Twin Galaxy, ça va être plus être les scores, mais Twin Galaxy, le problème, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de leur réputation. Ils en ont perdu beaucoup avec les sagas Billy Mitchell et Todd Rogers, justement, parce que tu sais, c'était vérifié par arbitre, homologué par des arbitres. Ouais. Mais les arbitres, c'était comme Billy Mitchell et Todd Rogers. C'est arrangé un peu. Hein? Ouais. C'est vrai que ça a fait un excellent film, King of Kong, si vous pouvez vous le permettre. Oui. Pour peut-être terminer, Mathieu, je te pose la question. Mettons qu'on veut enlever le sports du nom e-sports, qu'est-ce que tu suggérais? Play? Le e-play? E-play? Non? Un peu comme la World Wrestling Entertainment, c'est du divertissement. C'est dans le nom, au lieu d'une fédération. Fait que tu fais quoi? Tu joues e-play. C'est vrai. Ouais. Mais je trouve que ça enlève quand même l'aspect compétitif. C'est vrai, t'as raison là-dessus, oui. Peut-être l'aspect spectacle aussi. E-show. Mais e-show, est-ce que c'est seulement un spectacle non, aussi? Non, non. E-games. Bah, rendu là, on pourrait dire n'importe quoi. Mais e-games, ça sonnerait bien. Mais e-games, ça serait un nom pour des olympiques de e-sport. Et ça serait le fun. Ça, je pense, c'est ce qui manque. Mais au moins, t'aurais pas le nom sport dedans. Mais ça un serait comme le les X-Games. Ouais, voilà. Mais un e-games, là, ça serait de quoi qui serait vraiment plaisant à créer avec des compétitions. Ben, ensemble, t'sais, un LAN d'une semaine avec des compétitions de Dota, des compétitions de Rocket League of Legends, Hearthstone, un speedrunning aussi qui rentrait, tu sais, une ribambelle de compétitions qui aurait lieu à un endroit, des compétitions nationales qu'on pourrait faire. Je pense qu'il y aurait de quoi vraiment à faire. Je vois vraiment un parallèle avec les X Games. Pour vrai, X Games, c'est pas des X Sports, c'est des Extreme Games. Mm-hmm. Je vois un parallèle entre les deux. Ben, c'est des sports, des fois, qui attendent juste un go pour rentrer aux Olympiques. Par exemple, le slopestyle ski, qui est rentré aux Olympiques après avoir fait un passage aux X Games. Ils ont vu la popularité, ils l'ont amené. Dans les X Games, il y a aussi la Halfpipe qui est déjà aux Olympiques. Les X Games d'hiver sont beaucoup plus aux Olympiques que les X Games d'été, on va se le dire. Mais c'est... Il y a le BMX qui est rentré récemment aux Olympiques d'été. Mm-hmm. Mais sinon, c'est vrai la planche à roulettes, par exemple, ne figure pas dans les épreuves olympiques. Ni la trot. Ni la trot. Un jour, ma trot va être là. merci, les gars, pour cette discussion-là sur les e-sports. C'était bien le fun. Alors, on prend une pause parce qu'à un moment donné, faut bien écouter de la musique une fois de temps en temps. Hein. Mm-hmm. Sinon, les gens vont chialer. Et vas-y. On parle de meurtre? On parle de meurtre après, oui, dans la dernière demi-heure. Mais avant ça, étant donné qu'on a parlé d'Olympique tantôt et qu'à chaque fois qu'on parle d'Olympique, je ressors la pièce par The Olympic et The Olympic Symphonium. Voici Thanks a Lot et on vient après ça. They go. Après ça, c'est simple. J'aurais pu arrêter de parler, de parler là puis laisser chanter le gars. J'aurais pu. My breath, they punch me when I'm at my high best. Oh, and I'll just leave this place, and this time. Oh. loosen lot. The bloody knot, it won't come loose. L'assemblage requis, c'est mercredi 25 avril 2018. Je m'appelle Mathieu Plante, Tania Bonin a congé aujourd'hui. Et pour la remplacer, Frédéric Simon est avec nous. Bon matin! Bonjour! Et Marc-Olivier Dumas. Je suis là. Ouais, deux chroniqueurs à l'émission, deux participants à l'émission Matière Noire qui, en passant, je l'ai peut-être dit une fois tantôt, mais prend congé pour l'été, comme pas mal tout ce qui se passe sur nos ondes. Mais pour l'instant, avant de terminer l'émission, vu qu'il nous reste une demi-heure, j'avais promis en début d'émission qu'on le ferait, donc on va parler de gens qui font des choses vraiment pas correctes. Voici Après le crime. Après le crime, c'est la chronique où on parle de gens qui ont fait des choses pas correctes, des choses répréhensibles, des choses vraiment pas le fun à savoir, en fait, et à entendre souvent. Donc, je vous dis que cette chronique-là s'adresse à un public plus ou moins averti. Et comme j'ai fait avec le bloc pub tantôt, j'ai pris les nouvelles les plus intéressantes depuis les derniers mois, dernières années. Donc, c'est un genre de best-of, encore une fois. Best-of! Best-of! Commençons par un juge qui a confirmé, affirmé, peu importe, qu'une personne de petite taille, un nain, hein, qui a harcelé des jeunes filles mineures pour avoir des relations sexuelles est trop petit pour aller en prison. C'est l'article qui date de novembre 2017, donc selon le Daily Express, Brian Anthony Bowen, 26 ans, a été trouvé coupable d'avoir contacté deux filles de 13 et de 15 ans par Facebook pour demander des photos nues et des relations sexuelles. Le juge Rice Rowland a décrit que Bowen était petit en stature et émotionnellement inadéquat pour aller en prison. Donc il a dit qu'il aurait passé une très difficile période derrière les barreaux. Donc il lui a donné une sentence en prison de 48 semaines, mais suspendue pendant 2 ans. Donc dans le fond, il n'aura pas allé en prison. Dans une cour de Mold Crown, les avocats de la défense disaient que leur client ne devrait pas être envoyé en prison parce qu'il a un handicap mental, donc un trouble d'apprentissage. C'est ce que le texte dit. Il est accusé d'avoir envoyé un message à une fille de 15 ans disant « Do you wanna fuck? » Et lorsque la fille l'a bloqué, Bowen lui a envoyé un autre message « I will fucking kill you. » Non, c'est ça? Non, « I will fuck you for your birthday present. » Ah! Ça. Ouais. Vous pouvez vous faire votre propre traduction. Elle a aussi envoyé des messages à une fille de 13 ans commentant sur son corps et demandant si elle avait un copain. Il dit qu'il croyait que les filles avaient au-dessus de 16 ans. C'est ce qu'il dit. Oui. Sans mauvais jeu de mots, mais tu sais, pauvre petit, hein? Il fait donc pitié. Il va avoir un couvre-feu pendant 3 mois. Et puis, il y a aussi à suivre, il est obligé de s'enregistrer comme délinquant sexuel. Ensuite, une mère qui n'a pas appelé le 911 pour sa fille qui était en train de mourir, fille de 4 ans, parce que son téléphone manquait de minutes. C'était en septembre 2017, une mère de San Antonio, Texas, n'aurait pas appelé le 911 pour sa fille qui était en train de mourir parce que son téléphone manquait de minutes, selon le San Antonio Express News. Cette femme a 35 ans, ou avait 35 ans à ce moment-là, est entrée dans la station de police de San Antonio le 5 septembre avec Olivia Briones, 4 ans, dans ses bras. L'enfant a été amené à l'hôpital où elle est morte le lendemain. La cause de la mort est toujours en suspens, on n'a toujours pas d'idée en tout cas en date de l'article, mais l'examen médical révèle que Olivia avait un nez enflé, 8 plaies sur son cuir chevelu, une abrasion sur le dos de la tête et autres détails comme ça. J'ai pas besoin de les au complet parce que c'est un petit enfant. Hein? Quand la vie de ta fille vaut même pas 2$. Non, c'est ça. Puis encore, un appel 911, c'est même. Tu mais peux ça, faire ça avec n'importe quel téléphone. Ouais, t'as raison là-dessus. Mais il me semble que ça compte pas dans les minutes. Mais... Je pense que vous avez raison parce que dans ma tête, je pensais à faible en minutes, mais je pensais que c'était sa batterie. Mais c'est vrai, c'est manquait de minutes, donc littéralement, elle aurait pu appeler le 911 gratuitement. Je suis pas mal sûr que oui, ça compte pas dans les minutes de 1. Ouais. Et de 2, pour ta fille, 2$, je pense que ça le vaut peut-être. C'est écoute, ça. T'aurais parlé de ça à l'œuvrait du faux, puis. T'aurais dit faux? Ben, je peux pas croire que tu peux être aussi stupide que ça. Puis t'aurais eu tort. Ouais. T'aurais eu tort. Bref. Voilà pour les blessures à la tête de cette jeune fille qui est décédée peu de temps après être amenée à l'urgence, avoir été amenée à l'urgence. Ensuite, on a un voleur d'ordinateur qui n'arrivait pas à débarrer l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au propriétaire le mot de passe, bien sûr. C'est une femme, en fait, c'est pas un homme. Donc, une femme qui aurait volé un laptop a été un petit peu trop avare hein, en essayant de vendre l'ordinateur à un pawn shop. Selon la police de Fort Worth, au Texas, la personne est entrée dans la voiture d'un homme, a volé son laptop et un sac contenant des cartes d'affaires. Les policiers disent qu'elle s'est ensuite en allée vers un pawn shop et a essayé de vendre l'ordinateur, mais ils voulaient pas l'accepter parce qu'il était protégé par mot de passe et que la suspecte avait pas le code. Étant donné qu'elle avait les cartes d'affaires du propriétaire qu'elle avait volé dans la voiture, ça contenait son numéro de téléphone cellulaire, donc la voleuse aurait texté la personne, aurait demandé son mot de passe, il a pas voulu. À la place, la police dit que le propriétaire a joué le jeu avec la suspect, a offert de racheter son laptop. La suspect aurait offert de lui vendre pour $150. Ils se sont arrangés pour un endroit quelconque pour pouvoir faire l'échange. Et ensuite, le numéro de téléphone attaché au texte de la suspect n'était pas un numéro valide apparemment. Donc la suspect a été vue en train de quitter le pawn shop dans une Chevy Malibu. Donc il est encore en cavale, c'est ce que ça veut dire. Le gars a joué le jeu, donc on aurait pu trouver la personne, mais finalement ça n'a pas fonctionné. En fait, ça date quand même du mois d'octobre dernier. J'ai probablement qu'il y a eu des updates par rapport tout à ça. Tout à fait d'accord. J'avais oublié de le mentionner. Mais ça... Bravo, championne. Ouais. Vraiment. C'est débrouillard. C'est quoi ton mot de passe? Elle n'a pas lu le guide du voleur. C'est ça. C'est peut-être sa première fois, on sait peut-être. Pas. Peut-être. Ensuite, on continue dans les best-of. Donc, septembre 2017, dans ce cas-ci, c'est un hôpital qui aurait envoyé par fax, présumément, le diagnostic de VIH d'une personne à son endroit où il travaille. Et là, finalement, il y a une poursuite de 2,5 millions qui s'est entamée. Un homme qui, donc, poursuit la New York City Hospital. Les accusant d'avoir envoyé son diagnostic de VIH à son travail, selon le New York Daily News, l'homme est dans la trentaine, on l'appelle John Doe, a accusé Mount Sinai St. Luke's Hospital d'avoir envoyé ses informations à la salle, au bureau de poste en fait de son bureau, ce qui l'a outé à tout le monde dans la place, comme de quoi qu'il y a un VIH. Dans la poursuite, l'homme dit qu'il a été diagnostiqué de VIH quelques mois avant cette mésaventure, cette gaffe-là, et on indique que l'incident a eu lieu lorsqu'il a demandé à la clinique d'envoyer ses documents à une boîte postale, mais à la place, ça a été livré directement à son bureau, donc pauvre gars. La poursuite a été entamée, évidemment, j'ai pas fait mes suivis parce que je suis pas ce genre-là, moi je suis pas ce genre à faire des suivis. Il va probablement gagner un montant substantiel. C'est pas mal ça. Ensuite, on a Target aux États-Unis qui refuse. Alors, celui-là, c'est un de mes articles préférés. Je l'ai jamais fait. Je leur dirais que je le gardais pour un best-of. Target qui refuse de payer pour les dommages que ça a causé lorsqu'une grosse boule rouge, tu sais, les grosses boules devant Target, oui. Ouais, a roulé sur une voiture d'une personne. Ça arrive pas souvent, mais c'est devenu un genre d'Indiana Jones dans un centre d'achat. Donc, ABC 7 On Your Side, une vidéo de surveillance d'un pick-up, d'un camion. Qui est en train, de se frôler contre cette boule rouge. Et puis, ça s'est passé à Paramus, dans le New Jersey, et ça fait finalement, en frôlant la boule, ça fait que ça s'est détaché, et ça a roulé dans le stationnement, et ça a foncé sur une voiture en mouvement. Incroyable, hein? Donc, la vidéo montre trois hommes qui ramenaient la boule dans le stationnement pour la ramener à sa place, et il l'a laissé donc vraiment juste là devant la porte, comme équilibré sur elle-même là. J'imagine que sûrement un petit côté plat en bas de la boule, on peut s'imaginer. Bref, un enfant a même monté sur la boule à un certain moment, donc ça aurait très bien pu redécoller et remonter dans le stationnement. La femme dont la voiture a été frappée dit que ça lui a causé environ 3 500 $ US en dommages et que la compagnie d'assurance de Target voulait pas payer pour, même après que ABC7 ait dit que la boule a été laissée non sécurisée devant le magasin pendant pas mal longtemps. Target dit que même que Target pourrait poursuivre le propriétaire, en tout cas en date de l'article, du pick-up qui a frôlé la boule. La police a pas réussi à trouver dans la vidéo de surveillance le numéro de plaque. On n'est pas dans CSI, là, tu peux pas dire zoom enhance sans fin. Et la femme dit qu'elle ne croit pas que le conducteur du camion avait réalisé qu'ils avaient frappé sur la boule en frôlant. Évidemment, là, j'imagine que... Mais 3 500 $ de dommages, je vois la vidéo. Tu sais, elle a une petite scratch rouge, t'es un peu renfoncée. La boule a pas roulé à une super grande vitesse. Ouais, mais faut dire que ça monte quand même vite les dommages. Oui. Là, ouais. Une voiture, une petite scratch de peinture, ça te coûte 300 $. Là, ouais. Fait que... Mais en fait, la question, c'est qui est responsable dans cette histoire-là? Parce que c'est pas nécessairement de la faute à Target si le pick-up a frappé. Non, mais... Mais t'es mal sécurisé. C'est ça. Tu sais, en tant que tel, si Target a payé un sous-contractant pour installer sa boule puis qu'ils ont pas mis une grosse tige de métal qui passe vraiment loin dans le sol pour la sécuriser, ben c'est la faute de Target d'avoir engagé ce sous-contractant-là, non? En même temps, c'est comme une boule de béton de je sais pas trop quel poids. Ouais. C'est comme si tu mettais un garde, que quelqu'un frappait ce garde-là, mm-hmm. qui devenait croche, et qu'après ça, quelqu'un s'accrochait sur ce garde-là. Ouais, est-ce ouais. que c'est vraiment de leur faute? Mmh, j'avoue. C'est discutable pas mal. C'est ça qui arrive. C'est ouais. que le vrai responsable de l'histoire, c'est le pick-up. Oui, je crois que ce serait le responsable, ce serait les assurances du pick-up à payer aussi les dommages. Ouais. À Target et à la dame. Moi, je mettrais plus le blâme sur Target parce qu'en tant que tel, ça arrive à tout le monde de frôler quelque chose. C'est pas supposé se défaire. Non, c'est sûr. C'est pas censé, mais. Pas le blâme, mais. Ouais. Et Target a dit en fait qu'une autre grosse boule comme ça s'était détachée au même endroit quelques jours avant. Target, dans le fond, la compagnie, dit qu'ils étaient au courant de ces incidents-là et qu'ils allaient revérifier leur grosse boule pour voir que ça arrive pas nouveau. Oh. Là, ça change la donne. Si cette même boule s'est détachée, probablement que là, elle a été mal sécurisée, ouais. et là, c'est vraiment de leur faute. On parle d'une autre boule rouge au même magasin, dans le sens qu'il y a plusieurs boules rouges à différentes entrées. Mm-hmm. On dit « at the same location », donc c'est même endroit. Peut-être la même boule. Là. En étant au courant de la situation, si tu fais rien pour la corriger, ben c'est sûr que t'as une part de blanc. C'est un peu ça. Ensuite, continuons avec un homme qui... ça, c'est pas le fun, ça. J'aime vraiment pas ce genre de nouvelles-là, là, mais c'est pour le reste de la chose. C'est un homme qui a frappé un chien, un berger allemand, à mort, mais qui, et là, la twist est là, qui a ramassé 14 000 $ en dons pour des factures de vétérinaire sur Internet via un GoFundMe. Pour payer les factures du vétérinaire, évidemment, c'est lui qui a causé tout ça et qui fait de l'argent sur le dos de ce pauvre chien-là. Donc, c'est selon NJ.com, c'est Reed M. Urho, 24 ans, qui est accusé d'avoir amassé plus de 14 000 $ US pour réussir à régler le problème de son chien Atlas. Alors, dans le fond, lui, il a fait passer ça sur GoFundMe comme étant un hit and run, donc un accident que la personne s'est enfuie. Ensuite, un délit de fuite, qu'on appelle, je crois. Un accident de je sais pas c'est quelle sorte de véhicule, mais bref, finalement, on a appris qu'il avait frappé son animal à mort, un chien de 14 mois seulement. Et on a découvert ça chez la police après qu'on l'ait arrêté pour avoir fait de la vitesse sur la route en janvier 2018. Et à ce moment-là, il disait qu'il se dépêchait pour se rendre à l'hôpital après l'accident pour aller sauver Atlas, alors que dans le fond, c'était absolument faux. Monter de toutes pièces, cette histoire-là. Vraiment triste. Pauvre chien. On n'a pas le fun. Ensuite, continuons avec un homme qui se réveille d'une petite sieste, comme ça arrive, tu fais une petite sieste, et là, ben, il trouve un fugitif qui se cachait dans son garde-robe. C'est un homme de la Floride, évidemment, qui aurait trouvé cet intrus-là, un intrus, vraiment, faut dire, qui se cachait dans son garde-robe, et finalement, l'homme était recherché par la police, c'est selon WOFL, c'est un homme de 87 ans, quand même, Herman Jackson, qui était endormi, qui faisait sa sieste. Et finalement, on dit que le vétéran militaire était vraiment pas au courant que Alex Koretsky se cachait dans son garde-robe. Lorsque le suspect a quitté sa cachette, Jackson a été réveillé de sa sieste. L'homme a essayé d'expliquer sa présence en disant qu'il cherchait une bouteille d'eau. Jackson a appelé la police et quand les officiers sont arrivés, le suspect était parti depuis longtemps. La police a réussi à appréhender Koretsky un court moment plus tard. Et Jackson a réussi à s'en sortir sans aucune blessure. Il a quitté l'aventure avec une leçon, dit-il, de toujours barrer sa porte. Hein? Un nouveau coloc là, quand t'as besoin de payer le loyer. Hein? Mais qu'est-ce qu'il faisait là? C'est t'sais? Ça, je sais pas. Il m'avait me caché dans un garde-robe. D'un gars de 87 ans, genre, ok. T'sais, pourquoi tu vas dans cette maison-là s'il y a quelqu'un? Hey, C'est ça. Puis en plus. Puis tu vas te cacher dans le garde-robe. Imagine si le gars, il a 87 ans, il a déjà genre de l'Alzheimer, je sais pas trop quoi, il s'imagine déjà des choses. Puis là, hey, en plus, c'est un vétéran militaire. Là. Ouais, ben, syndrome de stress post-traumatisme de base. Les chances qu'il tue. C'est ça, tu sais. Ensuite, on est en Floride. Un gun ici vite arrivé. Ensuite, drôle d'histoire, c'est là une femme qui fait semblant de se faire enlever et qui s'attache elle-même dans un container à déchets. Fou pareil, ça se passe au Colorado. La police du Colorado qui a arrêté une femme et l'a accusée d'avoir fait semblant de se faire kidnapper, oui. Les policiers ont arrêté Linia Heda, 31 ans, dans un container à poubelle tôt le matin du 27 mars dernier. Ses mains étaient attachées par des épitailles, comment t'appelles ça, les trucs de plastique, les tie-wraps. Était incapable de parler et les autorités l'ont amenée à un hôpital où elle était traitée pour ses blessures. Ça ressemblait vraiment étrangement à un kidnapping, mais ensuite les enquêteurs ont fait leur enquête. Elle disait avoir été kidnappée vers les 17h30 le 26 mars, disant aux autorités que cette personne-là avait dit qu'elle ne verrait plus jamais ses enfants. Heda était due en cours, donc elle devait se présenter en cours 3 jours plus tard pour avoir la garde de ses enfants. Les policiers ont été incapables de trouver le kidnappeur et après quelques moments, ils ont commencé à penser que la femme avait tout inventé pour essayer de faire pencher les choses en sa faveur en cours 3 jours plus tard. Ça a mené la police, oui, à arrêter le suspect le 12 avril, appelant tout ça complètement fictif, disant que c'était fictif, l'ayant accusé après ça d'avoir dit des choses fausses, et bien sûr, à la police, d'avoir essayé d'influencer la cour. C'est aussi quelque chose d'illégal. Et les accusations dans ce cas-là sont apparemment assez sérieuses, et on dit qu'à chaque fois qu'on enquête sur ces allégations-là, on prend le cas au sérieux. Heda, qui a pu être libérée quand même sous caution, si elle est trouvée coupable, elle pourrait passer 6 ans en prison. Ensuite, ça c'est pas vraiment une nouvelle de crime, plus une nouvelle de crime évité, hein? C'est une jeune fille qui a été enlevée et qui a appelé le 911 de l'intérieur de la voiture, qui a sauvé son frère et elle-même, tout ça parce que son père avait été assez rapide pour lui enseigner quoi faire. Donc c'est une petite fille qui s'est sauvée elle-même. Selon ABC7, elle a 8 ans, Maria, ainsi que son frère de 3 ans qui attendait dans la voiture de leur père pendant quelques minutes. Une femme inconnue a vu le véhicule, a sauté dans le véhicule et est partie en vitesse. Le père des enfants, Rodney Cole, avait laissé l'air climatisé dans la voiture alors qu'il arrêtait pour aller chercher quelque chose dans un salon de beauté, c'est bien ça? Oui, exactement. Et avant d'entrer dans le magasin, Cole a donné à sa fille son téléphone cellulaire. Juste avant d'entrer faire la course, il lui a laissé son sel et la fille savait quoi faire. Elle a appelé le 911 tout de suite. C'est absolument incroyable comme histoire. Beau hasard en même temps, je sais pas si c'est quelque chose qu'on fait souvent, laisser son sel à l'enfant. Peut-être que c'était pour jouer à des jeux ou regarder du YouTube. Je pense qu'il y a des chances. Il y a bien des chances. Néanmoins, ça reste une belle histoire avec du monde intelligent pour une fois. Exactement, et les parents devraient apprendre à leurs enfants, en tout cas, il me semble, de composer 9-1 aussitôt qu'il se passe quelque chose de louche. Hein? Une femme qui rentre dans ton auto puis qui part en vitesse, pas mal louche. Oui. Pas mal louche. Justement, ça dit que Cole a commencé à courir vers la voiture lorsqu'il a vu la voiture quitter. Éventuellement, la police a arrêté la voiture près de la frontière du Mexique. Ils ont rapidement détenu la suspecte et ils ont ramené les enfants à leur père. Donc, ça finit bien. Pensais-tu vraiment passer au Mexique? Je sais pas, hein? Il y a des gens, des fois, qui pensent pas trop jusqu'à la conclusion de leur histoire. Parlons de la fameuse école où il y a eu une fusillade, Marjorie Stoneman Douglas High School. Un professeur a laissé son fusil chargé dans une salle de bain publique de l'école, là où il y a eu une fusillade. C'est selon WPLG, professeur de science, hein, donc quelqu'un qui a un intellect. Sean Simpson, 43 ans, qui a dit à la police qu'il avait laissé accidentellement son 9 mm dans un cubicule de toilette en visitant la plage à Deerfield Beach Pier dimanche au mois d'avril, oui. En allant le chercher, Simpson s'est souvenu d'avoir entendu un coup de feu et d'avoir trouvé Joseph Spataro, 69 ans, un homme sans abri, sous, dans la salle de bain, avec le fusil entre les mains. Simpson a pu enlever le fusil de Spataro. Spataro qui est accusé d'avoir tiré de son arme alors qu'il était intoxiqué et d'avoir entré là par infraction, je sais pas de quelle façon. Pendant ce temps-là, le professeur de science a été arrêté et accusé de ne pas avoir, bien sûr, sécurisé son arme à feu. Il est sorti de prison après avoir payé une caution de $250. J'avais mal mentionné un détail au départ. C'est un professeur, un enseignant à l'école Marjorie Stoneman Douglas, mais ça s'est pas passé à l'hôpital, ça s'est passé à la plage. Mais bon, rendu là, c'est fait, c'est pas mal la même chose, on se comprend. Continuons rapidement, il nous reste du temps pour quelques petites nouvelles. On va continuer sur la thématique des fusils, avec un père qui aurait présumément mis un fusil chargé dans le sac à dos de son fils pour l'amener à l'école. Ça s'est passé où? en Floride, où un père a été arrêté après avoir, on allègue, on présume, laissé son fusil chargé dans le sac à dos de son fils de 8 ans. C'est un dossier d'arrestation obtenu par le Miami Herald qui nous dit que Ramon Nouiri, 53 ans, est revenu à l'école Kendall Elementary après avoir réalisé son erreur. Donc, il a mis un fusil dans le sac à dos de son fils par erreur. Par erreur. Comme tout le monde fait une fois de temps en temps, ça arrive. Ça. J'ai accidentellement mis un fusil dans le sac à dos de mon fils. Et une fois rendu là-bas, il aurait dit à l'équipe de l'école d'appeler son fils au bureau du directeur ou peu importe pour pouvoir reprendre son fusil 9mm Smith & Wesson. Évidemment, ça a mené à ce qu'un parent soit se soucie de l'aventure, de tout ce qui s'était passé. Ils ont appelé la police. Newry a été arrêté. Et lorsqu'il est venu chercher son fils à l'école à la fin de la journée, le père a confessé à la police et les officiers ont pu trouver un autre fusil dans sa voiture. En fait, c'était le même fusil qu'il avait lui-même amené dans la voiture. On ne sait pas comment ça s'est passé, cette gaffe-là. C'est sûr que c'est vraiment dérangeant comme histoire, mais le gars il dit que c'est une gaffe. En même temps, tu dis que c'est une gaffe, comme ça tu vas peut-être moins être peut-être moins accusé ou quelque chose, peut-être que ça, tu vas pouvoir te faire pardonner plus facilement, je sais pas. Non, yo no sé, yo no sé. C'est facile de jouer innocent, hein? C'est tellement facile, je le fais à tous les jours. on reste dans les fusils. Une vidéo sur Facebook Live qui montre un homme se faire tirer en pleine tête pendant que ses amis jouent avec des fusils dans la voiture. Ah, quelle belle histoire! Ça se passe... Houston, c'est où déjà? Ah oui, au Texas. Texas. Au Texas. Donc, c'est un homme de Houston. C'est souvent Texas, c'est la Floride, c'est pas mal ça. Station nouvelle de Houston, KHOU, nous dit que Devin Holmes, 26 ans, a été tiré dans la tête après qu'un fusil ait été déchargé alors qu'il était dans le siège passager, sur le siège du passager, dans une voiture stationnée. Deux de ses amis étaient avec lui. C'était le dimanche de Pâques. Les amis étaient en train de jouer avec les fusils, hein, faisant des petits mouvements de genre « Haha, je te passe le fusil d'en face. » Et un des fusils a tiré. Scène terrifiante qui a été évidemment, comme toujours, diffusée sur Facebook Live et ensuite une vidéo a été postée par après sur Instagram. Les amis de la victime ont confirmé que c'est bien Holmes qui est vu dans la vidéo avec un chandail blanc, si vous voulez aller voir ça sur assemblagerequis.com. Les deux passagers, on les voit avec leur fusil. Il y a une femme qui s'appelle Cassandra Damper qui a été accusée en connexion avec cette fusillade-là. Vidéo évidemment très très dérangeante. C'est une vidéo montée, donc on voit pas tout là-dedans, mais quand même, si ça vous intéresse, c'est sur le site. En date de l'article, Holmes était, sur life support là, pour essayer de survivre à ça à l'hôpital Bentobe. Ça s'est passé le 3 avril dernier. Le temps pour un dernier, moi j'aimerais que tu sautes un puis tu passes à l'autre, le professeur de maths qui a organisé le Fight Club. Avec un grand plaisir, un professeur de maths qui était arrêté pour avoir organisé un Fight Club dans sa classe. Oui, ça a inspiré bien des gens, Fight Club. Hein, comme on dit, première règle du Fight Club, pas parler de Fight Club. C'est ça, c'est la seule règle. Ryan Fish, 23 ans, qui remplaçait un professeur titulaire, donc c'était un remplaçant. Les étudiants ont déclaré à la police que Ryan Fish, une poisson, c'est tellement drôle, avait même déplacé les poubelles de la classe pour qu'il puisse continuer de se battre. Lorsque la police a demandé à Ryan Fish ce qui s'était passé durant la classe, il a répondu, je cite, « Je les ai laissés être des adolescents et expulser leur énergie. » Ryan Fish a même dit à la police qu'il n'avait pas organisé les combats, mais qu'il les regardait. Il a aussi ajouté, je cite, « Je dois avouer qu'à un moment, je les ai même encouragés. La vérité, c'est que je suis un idiot et que je voulais être ami avec eux. » C'était pour se faire des amis. Il dit, « Je suis immature. » Il dit qu'il se sentait mal par rapport à tout ça. Il se sent horrible, entre guillemets. Il pensait pas que c'était bien, mais il savait pas quoi faire d'autre. Tu sais, quand t'as pas le talent d'être professeur, tu fais quoi? T'organises un combat. Il aurait dû amener des coqs ou des chiens. C'était incroyable. Bref, pour devenir ami, il a... Mon Dieu. Ouais, ben, qu'il apprenne de ses erreurs, là, monsieur. C'est quand même hilarant. Hilarant. Voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. C'est tout pour Après le crime. Bien sûr, note de l'émission numéro 1241, si vous voulez voir les liens, les photos, les vidéos. Merci comme énormément fois 1000 et je serai éternellement reconnaissant pour Frédéric Simon. Merci d'être venu. Ça fait plaisir, Mathieu. Merci Marc-Olivier Dumas. Ça fait plaisir. Merci pour Sport et Filoché aussi. En fait, on vous annonce ça dès là. Les deux seront de retour demain. Oui. À l'émission. Parce que demain, non seulement est-ce qu'on va avoir nos chroniques habituelles, en fait notre chronique habituelle qui est Jeu à gogo avec Mathieu Janvier. On va parler de société pendant une heure environ avec lui, une très très longue chronique. On va aussi faire une heure d'une grosse pointe d'adresse à partir de 9h. Mais l'émission commence à 7h, donc soyez-y, restez sur nos ondes pour plein d'émissions que je sais pas lesquelles parce qu'on est dans un entre-deux de session. CIF.ca, assemblagerequis.com et on se retrouve demain dès 7h. Bonne journée! Bye bye! Bon café à tous! Comme dirait Tania. Thank you.